Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux, l'idée c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora. Au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Scientifique, l'antépénultième. Ah, j'aime bien dire ça, en période de bac et en brevet. Il y en a qui ont passé des examens dans le public ou pas? Ah, deuxième rang, c'est bien. T'as passé quoi? Une prise de sang. Professionnel. Comment? Professionnel. Ça y est, c'est fini? Ouais. Ça donnait quoi? Nickel, ouais, t'as le choix. Ouais, il a l'air d'aller. T'es confiant. Ouais, ça a l'air d'aller. Demain, il y en a pas mal qui passent le brevet. Le brevet, ouais, on aura du monde qui veut en parler tout à l'heure parce qu'il y a du stress. Il y a du stress là-dedans. Forcément. Ça va aller. Le brevet, en plus, si tu te débrouilles bien toute l'année, ça va. Il n'y a pas de surprise. Contrôle continu, le brevet. C'est ça. Mais après, le vrai challenge, c'est de rien foutre pendant l'année pour dire je prends tout sur les, je mise tout sur l'examen. Ah, là, il faut des couilles. Ah, ouais. Là, il en faut des costauds. Ouais. Tout à l'heure, Kinvey sera notre invité. Je crois que c'est ma préférée de Kinvey, celle-là. Il l'a fait tout à l'heure ou pas? Non. Ah, non. On n'a pas le biniou. Ah, non, c'est pas la préférée d'énergie, visiblement. On ne pouvait pas la mettre. Bah, c'est la nouvelle, celle qui te vaut. D'accord. D'accord, et quoi d'autre? Il chante quoi d'autre? Il va nous faire rien qu'une fois, celle d'avant. Ouais. Et Fatoumata Tamate. Fatoumata, ouais, le retour. Enfin, revival. D'accord, t'as bien fait, Piette, de dire que c'était ta préférée, celle qui chante pas en fait. Bah, comme d'hab, hein. Il y aura Slimane qui sera notre invité. Et on se fait une belle triplette ce soir avec Amir. Ce soir, vous allez la kiffer cette émission. Kinvé, Slimane et Amir seront nos invités. On va faire pas mal de conneries dans l'émission. On fera pas mal de trucs forts. On aura un défi Instagram. Gosses, hein. Ouais, merci. Tu regardes l'affiche. Hein. À part un mec qui est assez moche, je peux dire que c'est moi. C'est vrai, non, ça passe. Hein. Oh. Si ça passe, c'est trop sympa. Ça passe, il est dur. De dos, ça passe, ça rime avec connasse. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est je dis rien. Bon, tout ça pour nous dire aussi que suivez-nous sur Instagram aussi. Il y aura le défi Instagram tout à l'heure. Si vous voulez voir des photos sur Instagram, j'ai mis plein de trucs. Koé officiel, j'ai mis des photos avec Black M et tout. Koé officiel ou Koé off sur Instagram? Koé off. Voilà. Et sur Snap, c'est Koé off. Pareil, j'ai mis plein de trucs tout à l'heure. J'en mets. Demandez quand vous avez besoin de trucs comme ça, le numéro de téléphone. Bien sûr, la mémoire. Le 6-12-12 pour nous appeler, pour nous envoyer des SMS. 6-11-12. Ah, c'est 6-12. Merde. C'est quoi? Ah, c'est les SMS les plus chauds de ta région. C'est quoi le téléphone? 0800. Palette. 48-5000. Non, laisse tomber. 48-5000. C'était une autre radio où on était il y a longtemps. 0800-70-42-48. Voilà. Bon, je te demande pas si ça va. Ça va, Julie va bien? Oui, très bien. Ça va mon guiguette? Ouais, ça va bien. Jérémy va bien aussi? Il va très bien. Le reste bien. De l'équipe, comment ça va les filles? Ça va super bien. Au 0800, 7020, 4 voilà. Millions là. Voilà, on est ça va, Stouf, Bérénice, bien? Ça va très bien. Donc passez-nous un coup de fil, 0870 42 48. Dès que vous entendez Maître Gims enchaîné avec Rihanna et Drake, je vous offre le concert de votre choix. Et là, vous pourrez aller partout. Vous pourrez peut-être aller faire un tour voir Justin Bieber. Yeah. Les Beliebers, ça peut peut-être être du Rihanna, ça peut peut-être être Muse, ça peut être plein de gens. Rihanna, Maître Gims, Rihanna. Et ça peut tomber ce soir. Tout frais payé. J'en vois tout le temps qui disent « Ouais, vous avez des places de concert. » Là, on aura les places de concert et le transport. Je vous le dis, ça va tomber ce soir. 6, 11, 12 en mettant « Ah, ça va, j'ai rien dit. » Faut pas le dire. J'ai rien dit. C'est pas parce que j'ai dit « Ça va tomber ce soir » que j'ai révélé grand chose. Merci à ceux qui nous ont fait les clips des capotes. C'est le Zougoulou qui est la vie. Ouais. Puisque je rappelle que le clip Zougoulou, on vous le balance ce soir. Oui. Et il arrive ce soir. Non, mais attendez. S'il arrive. On attend la dernière version. Et dès qu'on a la dernière version, on vous le met sur notre chaîne YouTube. Merci pour le 1 milliard 100 millions de vidéos vues. Sur YouTube. 1 milliard 100 millions. Mais c'est ouf. On a fait 100 millions en 3 mois. Ouais. Merci à vous. Et donc, pour le lancement du clip, on a des capotes. Voilà, qui vont vous permettre avec de passer l'été. Dessus. Pas sur les capotes, sur la boîte. Voilà, comme ça, vous pourrez vous les mettre sur le Zougoulou. Et comme ça, vous allez passer, vous aurez le Zougoulou protégé. C'est bien vous parce que bien. Zougoulou, ça passe pour n'importe quel mot. Tu m'as amené un Zougoulou froid. Bah ouais, excuse-moi, il y a eu un gros Zougoulou qui a bouché l'entrée du studio, j'ai pas bu. Mais des capotes pour te les mettre sur le Zougoulou. D'accord. Donc vous aurez ça, on en a plein ce soir. Si vous voulez pour des capotes vacances. Et que vous n'osez pas en demander, c'est une boîte sérieuse qui nous les a envoyées, au fait. Oui, bah oui, je pense. Non, mais je veux dire, c'est des capotes sérieuses. Ah, bah, oui. Guillaume a testé tout à l'heure dans les toilettes. Ah, c'est nouveau ça. En fait, il a testé les capotes, puis comme c'est bon, il les a enroulés. Et il a remis dans le papier. Il les a remis dans le papier et il les a agrafés à vos lettres. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait pire, il l'a mis dans sa poche. Il a pas osé la mettre à la poubelle, il l'avait dans la poche. Il l'a gardé, il l'a peut-être encore sur lui là. C'est dégueulasse. Là. Non, elle est dans sa poubelle. Parce que mon pote, si tu rentres chez toi à la maison et que ta meuf, quand elle fait la lessive, elle va sortir la capote usagée. Et que tu vas dire que ouais, c'est pendant l'émission, ils me l'ont mis. Alors là, bon courage, t'es mort. Croisant, ça c'est le genre d'excuse qui ne passera jamais. Jeudi avec nous, il y aura les Little Mix. Jeudi aussi, il y aura Franck Dubox. On attend pas Patrick. Et vendredi en live de la Belgique pour fêter le fait qu'on est numéro 1. Ah bon, tu en fous qu'on soit numéro 1. Ok, il y aura Ritza. C'est pas sympa. Et je vous donnerai plein de dates de planning, plein de dates de one man pour nous suivre partout dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Le Energy Music Tour à Roubaix le 2 juillet qui va être énorme dans le Nord. Le 1er juillet, le lancement du one man officiel à Saint-Quentin dans l'Aisne où je vais essayer de faire revenir Ritza avec nous. Et dans un instant, une jeune fille, une fille ou un garçon, Christa. Une fille. Oui, Christa, fille, ouais. C'est une fille. Bah oui. Ça fait prénom de stripteaseuse. Non, Christa, ah, si, c'est vrai. Christa, bah oui, bon. Bah, c'est vrai. Pas bonne sœur, hein, sœur Christa, elle n'existe pas. Todos esos besos que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Fini les examens, fini les profs relous, fini les réveils à 6h du mat. C'est parti pour la plage et les mojitos. C'est 25 euros. Ah merde, je peux faire des jingles en job d'été? Coué, 19h, 22h sur Énergie. On est là. Nous serons tous là avec les Little Mix. Ah, c'était bon ça. Ne nous ratez pas hein, dans les jours qui viennent un peu partout à côté de chez vous. One Man samedi à côté de Nancy, c'est complet, tu es complet. Hein. Donc bientôt il y aura One Man dans le sud, il y aura un mix partout. Je vais aller partout et partout. Je t'arrête jamais. Hier j'ai regardé quand je suis rentré après l'émission, j'ai regardé des trucs de la fête de la musique. Ouais. Sur France 2, on n'en avait pas parlé hier. Mmh. N'avez pas regardé? Non. Non. Oh là là. Quoi? Oh là là. Bon, c'est chiant, fête de la musique. Bah, comme toutes les fêtes de la musique. Ah ouais, mais c'est quand même, excusez-moi, mais pardon, mais ça coûte un bras, ça coûte cher, c'est mal présenté. Mais c'est pour les vieux. Mais c'est mal filmé, c'est mal tout. Oui, mais il n'y a que toi qui le vois, ça. Les mais autres, je suis pas le seul à le voir, le son, il marchait pas. Ils ont dû prendre le même mec qui avait fait la retransmission de la Tour Eiffel. Là. Ouais, avec je pense qu'un mec lui ont dit bravo, c'était génial, on n'a rien entendu. Va faire la victoire de la musique, t'as l'air bon, toi. Ouais. Ça marche pas, Garou. Excusez-moi, et puis à un moment donné, chacun son métier, quoi. Moi, je vais pas faire chanteur, Garou, faut pas qu'il fasse animateur, quoi. Et à un moment, c'est pas possible, quoi. Garou et la demoiselle qui était avec lui. Ah, c'est Garou qui animait ? Et une demoiselle, j'ai jamais vu son nom. Et... C'était si mauvais que ça ? Franchement, bah, c'est de la télé des années 90, quoi. C'est-à-dire qu'on est juste en 2016, et t'as l'impression de voir Dance Machine, quoi. Et c'est mauvais de chez mauvais, pardon. Puis c'est comme le truc de la Tour Eiffel, c'était pas bien, on va pas se le dire entre nous. Maintenant que c'est passé, c'est de la réa des années 90. Ah oui, j'avoue, quoi, que la réa était mauvaise. Enfin, on est en 2016. Quand il y avait David Guetta à le filmer, le mec il met la caméra sur le côté, il y a juste 30 000 personnes, le mec il filme un côté de la scène noir, pas éclairé, moche. Il n'y a personne. Mais c'est moche quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une émission de musique à la télé, t'as l'impression que les mecs disent on va faire un truc moche, les gars, on est d'accord. Ça coûte cher, hein, c'est cher, mais on va faire moche. Mais même pour les vieux, excuse-moi, Danse avec les stars. C'est pour les vieux, ouais, c'est mais c'est beau. Ouais, c'est moi, beau. C'est pas mon truc, mais c'est beau. C'est ouais, mais parce que vieux, c'est peut-être plus facile à filmer qu'un stade ou qu'un truc jeunes, comme regardent. Ça. Pas de jeunes devant la bien télé samedi soir, Julie, arrête un peu. Parce que c'est inspiré des choix américains. Devant la télé samedi soir? Bien sûr. Il n'y a pas de jeunes, je te le dis tout de suite. Ah non, il y a zéro fidélité chez les moins de 25 ans devant la télé. Regarde les filles, elles regardent là-dedans. Elles regardent une fois de temps en temps, elles ne regardent pas tout. En nombre, c'est les vieux qui regardent dans avec les stars. Moi, je suis dans la ménagère. Bah oui, mais t'es déjà vieille, Julie. Tu fais pas partie des filles de 15 ans. Pardon, elle t'entend. Allez, Christa, passons à autre chose. Demain, brevet. Une pensée pour tous ceux qui vont passer le brevet, qui ont encore des épreuves de. Il y a encore un peu de bac qui circule là. Ouais, je crois. Ah, vous êtes pas bien là. Ah, Christa est pas bien. Christa, elle est pas détendue là. Christa ? Bonjour. Tu nous as envoyé une photo de toi avec la tête de chat, là, la version Snapchat, mais t'es pas détendu, hein. Non. Mais enfin, t'as combien toute l'année? Environ 10. Ah, ah ouais, oui. T'es pas bien alors. Donc là, tu sais pas, toi. Non. Donc là, faut que t'assures demain, en fait. Ben, en fait, avec le contrôle de continu, encore ça va, il me reste 69 points à avoir. C'est énorme. C'est beaucoup, 69 points. Mais, en fait, mais avec l'histoire des arts, ça va. L'histoire de quoi? Des arts. L'histoire des arts. Ah, d'accord, ok. T'es plutôt à l'aise. Normalement, ça devrait aller, mais je suis tellement pressée, j'ai dû aller sur mon papy parce que j'ai des jumeaux à la maison et du coup, ça fait du bruit. Donc, T'as des jumeaux à la maison, c'est les seules excuses pourries que t'as trouvées. Donc, il y a des jumeaux à la maison et t'as du mal pour réviser. C'est à pas 14 mal. 14 ans, t'as des jumeaux c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, ils font du bruit. C'est une bonne excuse, mais bon, ça marchera pas demain. Excusez-moi, non. J'ai des jumeaux à la maison. Non, ça marchera pas. J'ai toujours essayé. Bon, est-ce que tu vas. Ce soir, il faut que tu te détendes. Tu sais, il y a la règle d'or qui est toujours la même. La veille à 19h12 d'un examen, c'est mort. Vous ne récupérerez jamais une année de cours non, en une mort. Soirée de travail. Vous allez tout mélanger. Ce soir, il vaut mieux que vous vous mettiez devant une petite série pendant genre 30-40 minutes, pour pas un grand film. Vous décompressez, vous matez un truc, etc. Vous vous couchez à la cool 21h30. Voilà, pas comme trop deux. Tard. Voilà, ouais. Ça vous avez le temps de bien ressasser, comme ça vous dormez pas de la mais nuit, non. Vous vous réveillez demain à 6h comme ça, tout tremblant. Et il va se passer un truc, tu verras, qui est un phénomène qui arrive. Moi, il m'arrive à chaque fois la même chose quand j'arrive sur scène, qui est le phénomène de j'ai tout oublié. Et en fait, tu te rends compte quand tu commences que t'as rien oublié du tout et que tout te revient naturellement, mais t'as ce truc du coup de flip où tu dis ah, je ne ouais, sais plus rien. Sauf que moi, ça m'est déjà arrivé oh. Et tout m'est revenu, mais genre au bout d'une heure, quoi, tu sais. Mais c'est. Tu, en sortant, en claquant la porte. Sachant qu'elle avait 30 Merci, minutes. Au revoir. C'est ça. Bien, mais oui. Ah, mais ça y est, ça y est, c'est revenu. Non, parce que des fois, plus tu cherches et moins tu trouves. Et du coup, tu bloques, t'es là, putain. Du coup, tu passes à d'autres exercices en attendant pour avancer. Mais en théorie, tu l'as, ça y est, t'as tous les trucs. Ne révise plus. Ce soir. Oui, c'est les oraux ou les écrits demain là? Écrits. Les écrits, il n'y a que les écrits là. T'as pas d'oraux au brevet. T'as pas d'oraux, Pietre, au brevet. C'est, oh. C'est là que tu te rends compte que t'es vieux. Un oral, pardon. Comment? L'histoire des arts, c'est à l'oral. Tu sais, Pietre, il ne faut pas lui en vouloir. Il passait un truc qui s'appelait le BEPC à l'époque. Hein. Ça a changé de nom depuis. Hein. Le certificat d'études. Voilà, donc tu sais, il ne sait plus ce que c'est vraiment. C'était quoi le C du BEP? Bah, oh, écoute, quoi, Julie, ça va, bah, brevet de. Chiant. On sait pas, on ouais, sait pas, continue. Personne ne sait. Vous savez même pas ce que vous avez passé. Mais non, moi j'ai passé une terminale C comme scientifique. Bon, oui. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Chelou, oui. Oui, surtout avec un C. Bon, alors, en tout cas, Christa, détends-toi pour demain. Mmh. D'accord ouais. Écoute-nous, ça va te détendre. En plus, ouais. On a plein de chanteurs avec nous, ça va être cool. Plein de chanteurs, voilà. J'ai l'impression de voir une émission de vieux. Bah, faites de la musique voilà. Hier soir, hein, restez avec nous, il y a plein de chanteurs. Je voulais dire de beaux gosses. Mais non, tu vois, reste avec nous, détends-toi. Et à un moment donné, ce soir, je t'autorise à couper un peu plus tôt et aller te coucher. Ou tu nous d'accord. Écoutes tranquillement, tu mets le truc sous l'oreiller et tu te détends avec nous, d'accord? D'accord. Et tu verras. C'est vrai? Oh, elle est trop mignonne. Et bah, je te fais un gros bisou, je croise les doigts, je serre les fesses. Et tu verras, ça va bien se passer demain, je le sens bien. Oui, j'ai juste une vraie technique, c'est pas une connerie pour ces trucs-là. Quand vous êtes trop en stress, vous vous couchez, vous vous dites j'en ai rien à foutre, je l'aurai pas, tant pis, je m'en bats les steaks. Et tu te réveilleras le lendemain. Non, de toute façon, ouais, mais ça t'aidera à mieux dormir. Non, tu peux pas dire ça. C'est oui, pas, mais ça changera rien. Non, il y a un truc qui est bien, pas. C'est de penser à la semaine prochaine ou à dans un mois. Dans un mois, tu seras sur la plage, pense à un truc heureux et t'as deux trucs. Tu penses ou à un truc heureux. Ou à un truc genre super dramatique. Tu sais, tu vois, y a des reportages tous les jours sur un truc horrible, quelqu'un qui est mort. Ouais. Ouais. Et tu te dis, hey, ça va, je suis bien, je suis en bonne santé, on est heureux dans notre famille. Finalement, c'est que quelques heures derrière un stylo. Ça rejoint et c'est vrai, et ça va pas voilà. Te tuer. Et même si tu y arrives pas, ça va pas la fin de ta vie. Et il faut que tu relativises. Pire, d'accord. Crois-moi qu'il y a des plus graves et il y a des gens qui vivent des situations pires dans le monde. Oui, et respire, la respiration, ma chérie. Détente, respire avec le ventre et tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est vrai, c'est avec le ventre. Tu vas paraître con à dire ça. Ouais. Ok ouais. D'accord. Allez, vas-y, je t'embrasse, tu vois, ça va aller. Merci allez, beaucoup. Ça va aller, je te le dis. Dans un instant, il y aura du monde qui veut réagir, on aura le temps ou pas? Certains qui ont passé le bac, on essaiera de l'apprendre tout à l'heure pour nous dire comment ça s'est passé. Restez là, voici Olivier Dion. À une lettre près, ça faisait Olivier Fion. Et c'était moins beau. C'était moins beau. Oh, ouais, c'est clair. T'imagines le mec qui joue d'Artagnan? Bonjour, je suis Olivier Fion. Pas pareil. Ça marche pas. Restez là, tous les soirs on est là. Et ce soir jusqu'à 22h, il y aura dans quelques minutes Kinvé. Il y aura Slimane. Il y aura Amir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, rien. Ah, t'as dit non pour dire oui. Non, rien. Merci. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout.

ce soir. Paname, paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Slimane. Paname, paname, on arrive. Paname, paname, on arrive. Paname, paname. S'installe chez Corey sur Énergie. J'ai envie de dire pour tout ce qui t'arrive, j'ai envie de dire bravo, mon Slimane! Bravo! Bravo! Dès le début, dès le début! On rigole plus maintenant, ça y est, on commence comme ça, d'accord? Il y en aura pour chaque artiste ou pas? Non, on en a plus, ça y est, ça en avait plus que deux jusqu'à la fin de l'année. Comment ça va, camarade? Ça va super bien. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Tout à l'heure, on s'en fera deux parce qu'on va se faire celle-là de chanson et on va se faire la reprise que t'avais faite de. Comment elle s'appelle déjà? Vita, à fleur de toi. En version reprise, les gens avaient beaucoup plus. Ils avaient dit c'est très beau. C'est bon. Eh ben, on va avoir la peine, on va se le refaire tout à l'heure. Voilà, donc demain, nous, on est où? On est en Belgique? Après-demain. Vendredi, et vous suivrez toute l'émission en live de la Belgique si vous ne pouvez pas bouger sur énergie.be. Oui. Retransmis en direct et tout, comme une émission en de live. Télévision. Ça va être beau. On sera en direct de Walibi et ça va être génial. Il va pleuvoir. Donc, mais on va être bien quand même. On va être bien. Non, on verra bien. C'est orange. Ils ont dit orange quand même. Ils ont dit orange. Ça pue. Bon, en attendant, on a plein de gens qui veulent te poser des questions. Ouais. Est-ce que ça te gêne? Non. Est-ce que tu vois une objection? Il est là pour ça. Il faudrait me dire, je n'ai envie de parler à personne, laissez-moi tranquille. T'imagines, le mec passe en bas. Je ne veux pas répondre à des questions. On a Émilie, 23 ans. Ça va, Émilie? Salut, Émilie. Ça va, Émilie? Oui, ça va, et vous? Ça va bien, ma chérie. Bon, ça va. Coucou, Slimane. Salut, ça va? Oui. J'informe la technique que le micro de Jérémy est encore cassé, comme la dernière fois. Ça sent le rebug total. Ah, ça sent que tout va rebuguer. Ça sent le rebug, ça veut dire que ça sent que d'un moment à l'autre, mon micro va lâcher. Hein. Et moi, je prête pas le mien, j'en ai rien à foutre. C'est la dernière. T'as posé ta question, Émilie? Alors, ma question, ça serait, bon, c'est pas vraiment par rapport à la carrière, mais je voulais savoir avec quel candidat de Voice il est resté en contact. Ah, je suis resté en contact avec plein de candidats. Tu peux dire personne. Je ne les aime pas. Non, notamment Alexandre, Lucille, Anna, Anaï, vraiment plein de gens. Il y a eu une super ambiance. Arcadiane aussi. Ouais. Je les aimais bien. Julie, qui? Arcadiane. Moi, c'était où, Slimane ou Arcadiane? Ouais, pareil. Bah oui. Et ils vont bien. On n'entend plus parler. Ils n'ont pas gagné, mais ils vont bien. Bah si. Ouais, ils ont leur single aussi. Non, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, t'es plus tellement obligé de gagner. Il suffit que t'aies un bon single, et puis tu peux faire ton truc. Bon, et si ils se faisaient un titre en live, Émilie, est-ce que ça te ferait plaisir, Émilie? Après, oui. Jérémy fait des gestes. Tout à l'heure, ils chantaient que pour toi parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est cassé. Quand les mecs commencent à te faire l'hélicoptère avec la main, c'est que tu sens qu'il y a un truc qui merdouille. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Crie. On s'écoute Guetta avant. Mais c'est pas David Guetta qu'on soit. Hein. Après. Ouais, t'as raison. Je demanderai David Guetta de mixer, Slimane. Émilie. Oui. Je t'embrasse, ma chérie. Moi aussi, je vous fais des gros bisous à Slimane, bisous à toute l'équipe. Bisous, ma belle. Il est encore avec nous. On va se faire deux titres, mais avant tout ça, et si je lançais le défi Facebook de ce soir? Ah oui, ça serait bien. Ça vous fait plaisir défi ou pas? Défi Insta sur Instagram. Coé officiel. Le principe est simple. Le mien? Non, ça y est. On a perdu. Le micro de Pierre est mort. Moi je suis encore là. Profite. Profite parce que c'est il y a des jeux de chaises musicales. D'accord. Maintenant où c'est le jeu de on décroche le micro. Non, moi je suis toujours là. Jérémy. Non, c'est Jérémy. Elle est là. Il est toujours revenu. C'est Pierre. Je suis revenu. Ah, c'est magique. Bon, je peux faire mon défi Insta ou pas? Oui, vas-y. La question qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit, si on revient là, ça fait 6 saisons qu'on fait sur Énergie. Ouais. Il y a un jour, on sera vieux. Parce que je n'ai que 29 ans. Oui. Aujourd'hui, ça ne se présente pas. Pas de vanne dans le public, d'accord? Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer si on était très vieux? À 8000 likes sur Insta, on se fait une vidéo en mode vieux. Ouais. Maquillage, machin et tout, habillé comme des vieux. Et même Kinvé qui sera là tout à l'heure, on le mettra comme un vieux. Mais comme une émission. Et qu'on filmera et qu'on vous mettra sur la chaîne YouTube en mode vieillard. 5 minutes de ce que ça pourrait donner quand on aura 80 ans. Mais Julie, elle a pas de maquillage. Julie, t'as rien à faire, c'est bien. Ah, Julie, c'est nickel, maquillage. On a vu la maquilleuse tout à l'heure, elle a dit non, nickel, on touche à rien. Allez, à 8000 likes, on est en mode vieux, je vous mets la photo, allez la liker sur notre chaîne, allez la liker sur notre Instagram, Coé officiel. Tu restes avec nous, Slimane? Oui. Et dans un instant, après Guetta, on sera un de tes deux titres en live. Restez là, tout va bien. On est mercredi soir et le Zougoulou, le clip, il arrive d'un moment à l'autre. Mmh. Liman, c'est Paname. Tout à l'heure, on jouera avec le public et on verra si le public est très très bien. Le clip de Zougoulou va arriver d'un moment à l'autre sur notre chaîne YouTube. Zougoulou, vous allez voir toute l'équipe dedans, vous allez kiffer. Je pense que ça va vous faire marrer. En attendant, monsieur Slimane, puisque ça s'appelle Paname, Paname, on va jouer avec les villes et le nom des habitants. À Paris, les gens sont les Parisiens. Très bien. À Chantilly, ce sont les Cantiliens, les Cantelois ou les Crèmes Fouetteurs. Cantelois. Non, les Cantiliens. Cantiliens. À Tours, c'est les Tourins, les Tourangeaux ou les Tourelles. Les Tourins. Non, les Tourangeaux. Tourangeaux. 0 sur 2. À Saint-Étienne, alors attention parce que là, tu joues. À chaque fois, si tu ne reconnais pas une région, les mecs, ils te. Non, ouais, en fait, Saint-Étienne, les Étiennois, les Stéphanois ou les Déprimés. C'est Stéphanois. Bien joué. Ouais. À Grasse, c'est les Grassois, les Grassiens ou les Grassouillés. Grassiens. Grassois, Grassois. Grassois, bien joué. À Agde. C'est les Aguedois, les Agatois ou les tout nus. Les tout nus. Tout nus, tout nus. Les Aguedois ou les Agadois. Aguedois. Acadois. Agatois. C'est dur. Agatois, Agatois, mauvais, mauvais. À Évreux, est-ce que c'est les Ébroïciens, les Évroués ou les gens de là-bas? Ébroïciens. Les Ébroïciens. Ah, c'est dur, là que tu viens, ça. Toi, non? Non, c'est en Dreux, pas chez moi. Ouais, ça, c'est Dreux. Et les habitants de Dreux. Les Droués. Les Droués. Oh là là là là. Rien à voir. À Montcuq. Ah. C'est les Montcuquois, les Montcuquiers ou les Yonfs? Les Montcuquois. Montcuquois, bien joué. À Saint-Cloud, région parisienne. C'est les Clodoaldiens, les Clos-Saint-Ouen ou les Passages Cloutés. Clos-Saint-Ouen, ça fait stylé. Eh ben non, les Clodoaldiens. Mais non. Les Clodoaldiens. Les Clodoaldiens. Il y a Clodo dedans. Clodo, il y a Clodo à Saint-Cloud. Ouais. C'est moche. Il y a bien un endroit où Clodio. Il y a Clodo. Clodo. Oui, c'est clair. À Tarbes, les Tarbois, les Tarbais, les Tarbas. Les Tarbais. À Vesoul, les Vésuliens, les Vésoulés ou on ne sait pas parce que personne n'est vraiment ressorti vivant. Les Vésoulais. Vésuliens. Et pour terminer, à Théoul, les Théouliens, les Théoulois ou les Théoul. Pas là, mais Théoul, pas là. Mais t'étais où? Théoulien. Théoulien. Oh, c'était bien au début. Ouais. Dans un instant, on se fait une chanson. Asna, 27 ans, dans le 9-5. Salut Asna. Non. Quoi non? Allô? Quoi non? C'est pas moi. Tu veux pas parler? T'aurais pas dû lui dire mon prénom, la scène. Je la connais, Asna. Mais oui, comment tu veux que je t'appelle? C'est une psychopathe. Machine. Elle a plus le droit de t'appeler en direct, c'est pour ça, maintenant, elle passe par la radio. Mais non, c'est mon porte-bonheur. Elle était là toute la saison de The Voice et tout ça, tous les jours. On la connaît et tout, On la connaît. Elle était là, mon premier. La première fois que je suis venue chez toi, elle était là. Voilà. Et elle vient nous voir souvent. Non, que. Je suis pas là. Et pourquoi t'es pas là? Je suis pas là parce que je fais pas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais l'appeler, je vais voir, je vais le tester s'il allait me reconnaître et tout. T'as dit mon prénom, c'est mort, t'as tout gâché là. Oui, tu dis de l'île. Alors, pose ta question, ma chérie. C'est quoi la question? T'as mis sur Facebook la chanson Adieu. Oui. Est-ce que c'est de toi que tu parles dedans? Ah, ouais. Ouais, c'est une chanson que j'ai écrite et qui est un peu autobiographique, ouais. Qui raconte quoi? En fait, toutes tes chansons, tu parles de toi. Qui raconte la vie d'un mec dépressif après avoir été amoureux. Oh, dépressif, on s'en remet vite. Ça dépend. Il y a la déprime, puis après il y a la joie de la liberté quand même. Hein. Ah, ça dépend quand t'as été très amoureux. Ouais, ça passe, tout ça va. Mais vous savez pas ce que c'est d'être amoureux. De ça repart. Ah, mais moi je suis un romantique. Ouais, moi aussi. Ils savent pas ce que ça veut dire romantique. Moi aussi je suis romantique tant qu'il y a des gros nichons. Ouais, on est romantique. Mais non, mais bien sûr que oui. Non, mais alors, quoi, Julie, quoi, alors eux? Mais pas du tout romantique. Nous, on n'est pas romantique. Jamais. On est des vraies fleurs bleues, nous. Jamais. Vous cumulez les nanas, machin. Quoi? On cumule les nanas. Elle dit ça à Pietre. Oui, je dis ça à Pietre. On a un blog de poésie, tous les deux. Attends, moi, j'ai un blog violette. Tu sais ce que c'est que même diras-tu. C'est de se retrouver à 70 ans en Thaïlande avec plein de nanas. Eh ben, c'est romantique, la Thaïlande. Bah oui. Tu vois, t'as vu que c'est romantique. Nous, des Ladyboys, on n'est pas fermés à 70 ans, on s'en foutra. T'imagines? Nous, à 70 ans, on dira, je suis un garçon. En fait, on s'en fout. Après, on jouera à la PlayStation. Hein, tu vois, le mais oui, on n'est pas. Mais Julie, mais c'est du romantisme. Ah oui, bien sûr. C'est une de l'amour. Enfin, c'est de la. Et si on se faisait à fleur de toi, c'est ça? Ah oui. Allez, on va se la faire. Romantisme, vas-y, je t'en prie. Mets-toi en place. Ce soir, c'est soirée romantique. Le single des paroles de Pietre et Coué. Comment c'est celui-ci. C'est nous qui l'avons écrit. Ouais, c'est bien sûr, l'avons écrit. Les gars. Parce que bah pour oui, nous, bah ça oui. représente tout ce qu'il y a de plus. Ah bah oui. Voilà, je te fais un bisou, Astin. Je t'embrasse, ma chérie. Salut. Je suis désolé, j'ai redit ton prénom à la fin. Pardon. C'est pas grave maintenant. Désolé. Attention, il y a plein de messages qui disent je vais aller voir Justin Bieber en concert et tout. Guettez le double hit. Ça va tomber d'un moment à l'autre. Et là, 6, 11, 12 par SMS. Mais pour l'instant, faites beaucoup de bruit. Slimane, premier titre en live. C'est cadeau ce soir. Il y en aura plein. Ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Merci beaucoup. Ouais. Bravo, très merci. Bien. T'as vu un peu cette voix là, ouais, parce qu'en fait, pour l'historique en mémoire, c'est à la base c'était avec il plutôt que elle, et toi oui. tu l'as transformé ouais, en elle. Changé, ouais. Voilà, oui, elle est dure à chanter, hein, putain. Ouais. Ouais, mais c'est une vraie belle chanson, et en plus, je suis content, j'ai eu le droit de la mettre dans mon album. Ah, donc, ils ont dit oui. Ouais, donc c'est cool. Je suis très heureux. Ah, bah, c'est bien. Bon, en même temps, oui. Fait toujours du bien. C'est cool. Non, oui, c'est bien. Ah, pas Victoria, vous de l'équipe. C'est bien d'aller filmer pendant qu'il chante, mais Asta, elle est passée il y a 5 minutes. Non, je le dis pour ça, parce que je ne pouvais pas tout faire. Elle était en train de te filmer pendant que tu chantais. Victoria ! Victoria ! 18 ans, Agen, ça va ? Ça va et vous ? Ouais, je te présente Slimane. Ce soir, on va essayer de passer le plus de gens possible qui veulent faire des bises à leur artiste. Donc tout à l'heure, on aura Amir, on aura Kinvé. Donc 0870 42 48, passez-nous un coup de fil. Vas-y, ma belle. Donc moi, je voulais savoir ce que la musique. Et tu lui dis pas bonjour. Et tu lui dis pas bonjour. Ça y est, on y va. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Coucou Sliman. Oh là là. Elle a pas dit bonjour. Non, non. Bon, je peux pas. Non. Allez, vas-y. Vas-y, non, Victoria. Non, c'est pas grave. Victoria, vas-y. Oui. Moi, je voulais savoir ce que la musique t'apporte. Genre, quand tu chantes, tu penses à quoi? Tu ressens quoi? Moi, j'ai souvent pris la musique comme un exutoire, quelque chose qui me permettait de m'exprimer. Et c'est ce que je continue de faire. Voilà, c'est quelque chose qui me rend heureux et qui me permet un peu de. Je suis assez nerveux dans la vraie vie et du coup, ça me calme beaucoup, ça me pose. Voilà, ça me permet d'être plus serein de chanter. Voilà. C'est une belle réponse. C'est vrai que tu vis tes chansons quand tu chantes. Là, t'es à l'air habité. Ouais, c'est impressionnant. J'aime bien le mot exutoire qui a été utilisé. Je trouve qu'il y a des mots qu'on utilise trop rarement. Exutoire. Donc, mais de toute façon, ce morceau-là, t'as intérêt à le vivre. Si tu le vis pas, il n'a aucun intérêt, ce morceau. C'est très exutoire. Je te fais un bisou, Victoria. Bisous, Victoria. Merci beaucoup, bisous. Merci. T'embrasse, pas plus. Dans un instant, on va jouer avec le public et avec Slimane. Et on se refera évidemment le titre Paname. Joy. Salut. Salut, tout va bien, Annecy? Ça va. Est-ce qu'il fait beau? Bonjour, Slimane. Bonjour. Oui, c'est super beau. D'accord, très bien. Ah, profite. Parce que ça pas il pleut. Super, c'est Paris quoi. Ouais. Quel temps de merde, mais Louis Baudin là, tous là, je vais les envoyer. Lui, je vais l'attraper, je vais l'envoyer sur Saturne, le chauve. C'est pas possible, là, les mecs, ils nous font chier. C'est de sa faute quand même. Non, monsieur, pas de sa faute, mais il va prendre pour les autres. Moi, je prends, donnez-moi le plus connu qui va morfler pour les autres, c'est Louis Baudin. Les mecs, des semaines à nous dire, demain ça va mieux, demain. La semaine prochaine, c'est bon. Ce matin, un envoyé spécial BFM Télé, le mec qui était là, il guettait les nuages pour que tu te reprennes une saucée en fin de journée. Ça a duré un jour. Ouais, mais tous les jours, ils te disent qu'il va y avoir du soleil et de la pluie. Je crois que là, il y a un deal avec les je sais pas, François Hollande, il va dire, dites qu'il va faire beau. Dites que ça va mieux. Bon, vas-y, Joy, vas-y à toi. Je voulais savoir si c'est toi qui écrivais tes textes tout seul. Oui, j'ai eu la chance sur mon album de pouvoir écrire 90%, je crois, de l'album. Donc oui, c'est moi. Ça joli. Très content. Ça d'accord. Félicitations alors. Merci parce que beaucoup. C'est vraiment très touchant. Merci beaucoup. On te fait un gros bisou, Joy. Merci vraiment beaucoup. Je t'embrasse, ma belle. Qu'est-ce qu'on se fait dans gros un instant? On va se refaire un titre quand de Slimane? Après la pub. Après la pub, bougez pas, ma belle. Il balance la pub tout de suite. On aura Clara dans la foulée. Après, on fera le jeu avec tout le public. Ça va, Clara? Ouais, ça va, super. Eh ben bouge pas, garde cette joie de vivre. Dans un instant, c'est à toi et on finira avec le titre de Paname. On arrive dans 2 minutes sur Énergie. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Aurélie? Oui. De Andelot dans le Barin? Tout à fait. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui, madame, oui. 31 euros, c'est ton salaire. Je vais le doubler. Ça va faire pour toi 3662 euros. Ah, excellent. Oh, mamie, merci. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Maintenant disponible. Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 1,5%? Ben oui, jusqu'au 24 juillet 2016, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 1,5% TFG fixe sur 12 mois. Ah oui, 1,5%. Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 euros, ça vous fait 12 mensualités de 421 euros, soit un montant total dû de 5 041 euros. Alors là, je dis respect. C'est la MAF. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. C'est parti! Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci! Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com.

This is buns, buns. C'est une tuerie, rien que les auditions à l'aveugle, on fait plus de 5 millions sur YouTube où ils rechantaient du Vita et tout. L'album, on en est où? C'est quand là? Ça sort le 8 juillet. Mais ah, voilà, bravo. Et je crois que... Attendez, parce que je crois que je voudrais vérifier cette information qui est vraie de vraie. Laissez-moi vérifier, laissez-moi checker. C'est quoi? Hashtag Slimane Chekoé sur énergie. Ah, est entêté? C'est entêté, ça veut donc dire qu'il va falloir que... Oh bravo. Il va falloir que les fans de Kinvé, les fans d'Amir soient aussi bons parce que là, hashtag Slimane Chekoé sur énergie en TT. Ah ouais, là. Merci beaucoup. Ah là, c'est vrai, oui, pression là. Excusez-moi, il y en a combien des trucs comme ça? Je crois qu'il y en a prévu la dose. D'accord. Chaque fois que vous entendez un. Je pense que les gars de la technique vont être contents. On va se dire des trucs. Ça ne sert à rien de nettoyer. Je crois que j'ai vu. Non, on laisse là. On est. On termine avec Clara. Clara, c'est à toi, ma belle. Fonce. Salut l'équipe, salut Slimane. Salut. Ça va? Ça va et toi? Elle est mignonne. Ouais, ça va, un peu stressée, demain j'ai le brevet. Ah, ça va aller ma chérie, on va te porter bonheur, tu vas voir. Ouais, bon courage. Bah, j'espère. Allez, vas-y. Alors du coup, j'ai plusieurs questions. Ah, relou. Putain. Alors j'ai vu le clip Panam, alors il est super bien, je l'adore. Attends, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a Julie? Pietre, il met des confettis dans ma combinaison, je peux pas les retirer du coup. Pourquoi? Je vais rester avec. Bon, tu kiffes, allez. Relou, Julie, t'as coupé cette émission. Mais c'est un enfant de 4 ans aussi que j'ai à côté de moi. 5. Non, mais vas-y, ma belle, pose ta question, pardon. Ouais, donc du coup, j'ai vu le clip Panam, il est super bien, je l'adore, il est trop, trop bien. Merci. Et celle qui a fait les chorégraphies donc, de ton clip, elle travaillait avec Christine and the Pin. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi tu l'avais choisi. Bah, en fait, je l'ai choisi parce que c'est une amie à moi. Et en pas fait, et voilà, les amis ne sont pas chers. Non, mais sur ce projet, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir choisir vraiment mon équipe sur tous les plans, que ce soit l'album, les photos, le clip, etc. Et j'ai voulu être entouré des gens qui m'entouraient avant The Voice. Et c'est pas parce que voilà, j'avais gagné ou quoi que ce soit que je voulais changer mon équipe et les gens qui m'entouraient. Donc j'ai gardé les mêmes, ceux qui croyaient en moi aussi avant The Voice. Donc voilà. D'accord. Voilà ma petite Clara, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Et j'ai encore d'autres questions, je peux les poser ça ou pas? Ça dépend si elles sont passionnantes. Ouais. Un peu, ça parle de The Voice. Alors vas-y, une et puis après on jouera avec le public vous allez kiffer, qui s'appellera le jeu Paname ou pas Paname. Vous verrez ça, vous allez kiffer. Attends, vas-y, pose ta question. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès après The Voice ou pas? Non, pas du tout. Je crois qu'on s'attend jamais à rien. On jette un peu une bouteille à la mer. On attend de voir ce qui se passe. Voilà, en ce moment, je suis en train de vivre un peu un rêve et je suis très heureux. Et, voilà, je remercie tout le monde d'ailleurs pour tout ce que je vis en ce moment. Voilà. Ok. Ouais, on te fait un gros bisou, ma Clara. Merci beaucoup. Et Slimane ? Faut arrêter, Clara, maintenant. Ouais, c'est chiant. Sinon, j'envoie la sécurité, il te casse les jambes et demain, tu passes pas le brevet. C'est ça que tu veux ? Est-ce que c'est ça que tu veux ? Non. Alors, vas-y, fini. La semaine prochaine, je viens te voir à Brest. Tu fais une émission. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que je pourrais faire une photo avec toi? Avec grand, grand plaisir. Tu fais une émission? Merci. Une émission. C'est chez Merci. Nous. C'est pas nous. Ouais, c'est Energy. Hein. C'est qui passe, fait hein. ça? C'est l'animateur d'Energy Brest. Energy Brest? Ah, c'est ouais. cool ça. C'est avec Loïc. Ah, c'est cool. À la réalisation, Loïc. Et la programmation musicale, Loïc. Et la standardiste, Loïc. Qu'on embrasse. Bon, ben, je te fais un gros bisou, Clara. Tu les embrasseras pour nous, pour, à nos amis d'énergie, Loïc. D'accord ouais. Ok. Bisous, Clara. Bon, et allez, jeu du public et après, on se fait Paname, d'accord? Et on se quittera là-dessus. Ouais. Attention, le principe, les gens du public, ça va être très très simple. On va commencer par toi. Quel est ton prénom? Mickaël. Mickaël, salut. On va de gauche à droite, puisque ce sont des questions sur Paris. Je vous donne des noms de rue. Si vous répondez bien, tant mieux. Si vous répondez mal, vous devrez boire à travers un plot de la ville de Paris. Nous, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est qui a vécu. C'est-à-dire que vous le mettez contre votre bouche et hop, on vous met un petit peu d'eau dedans. Oh mec, il a vécu les années 70. Il a vécu celui-là. Celui-là, il en a vu. Il a fait les manifs de 68. Hein. Ah, celui-là de 68 à nos jours, ils en ont pris dans la gueule. Laissez arrêter comme ça. Je peux te le dire, moi. Hein, on y va? Ça existe ou ça n'existe pas, la rue du chat qui pêche? Vrai ou faux? Faux. C'est vrai, la rue du chat qui pêche existe, on ouvre la bouche, on ouvre la bouche à papa, attention, et on se met là bien et on fait un truc comme ça, on y va, attention, vas-y, un petit peu. À savoir que ce plot a servi de maison à des rats pendant 10 ans. Tu l'as mis partout du coup. Ah bah oui, parce qu'il l'a retiré au dernier moment. Allez mademoiselle, le prénom? Eva. La rue de la cochonne, vrai ou faux? Tombé sur toi, c'est pas de chance. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Allez, allez. Vrai ou faux? J'hésite. Vite. Faux. Eh ben ouais, c'est faux. Ah, bien joué. À côté, le garçon, le prénom? Adrien. L'Adrien, la rue des deux boules. Bah faux. Bah c'est vrai. Allez, on y va, on ouvre la bouche, allez, on fait attention. Non mais pas trop, hein, non mais pas trop, Loris. Ça, c'est un petit peu une petite gougoute. Voilà, hop là, comme les trucs de. Ah oui, c'est le goût des rats qui c'est revient. Vrai, ouais. Parce que les rats ont vécu dedans. La demoiselle à côté s'appelle Coralie. Ça va, Coralie? Ouais. On y va. La rue des filles de joie, vrai ou faux? La rue des filles de joie. Vrai. Vrai et non, c'est faux. On ouvre la bouche. Et là, ça commence à devenir sympa parce que tout le monde a bu. En plus, c'est dégoûtant. Il y a une espèce de. Les rats à côté, ça va devenir de la dégnotte. Tac là, on y va. Le garçon, la demoiselle. Oh, pardon. La demoiselle à côté. Océane. Ça va, Océane. On se concentre. Oui. La rue Zidane. Bah oui. Depuis 98. Est-ce qu'ils ont fait la rue Zidane? Évidemment. Faux. Absolument, c'est faux. On passe à côté, la demoiselle. Un salon de théâtre, évidemment. Bah oui. Oui. Le passage de la chatte. Le passage de la chatte. Vrai. C'est vrai. Ah non. Sérieux? Le mec qui dit j'habite 4 rues du passage de la chatte, faut quand même. Il faut oser. C'est l'animal. Il y a bien le chat qui pêche. Il doit pas être dans le marais en tout cas. Ah, la demoiselle. Non, toi. Oh, ouais. Eh. Bah alors, pourquoi t'as passé le micro? J'ai pas envie de boire dans ça. Mais tu sais, moi, tu crois que j'ai envie de vous voir boire dedans? Oui. Tu crois que ça. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir? Ça me désole. Oui. Eh ben, t'as raison. Alors, concentre-toi. La rue poil au cul, vrai ou faux? Non, c'est faux. Ben non, c'est vrai. C'était l'ancien nom de la rue Pélican, elle s'appelait rue poil au cul. Allez, on y va, on se concentre. Allez, c'est rien, c'est qu'une famille de rats. Pense à Ratatouille, sinon c'est ta chemise qui va prendre. Voilà, tac là, on y va. Là, on passe derrière. Là, vite fait, il en reste une. Allez, on se concentre. Le jeune homme derrière qui passe son examen, là, derrière. Tac, tac, tac, tac. Loris, passe le micro, là. Voilà. Le prénom? Jordan. Jordan, on y va? Ouais. La rue des branleurs, vrai ou faux? Vrai? Non, c'est faux. Mais mec, vous m'avez mis vrai, elle n'existe pas, la rue des branleurs. Bah, c'est pas son nom, mais c'est le nom que tout le monde lui donne. Ouais, quoi. Je confirme, j'habite là. Ah, moi, je croyais que ça s'appelait vraiment comme ça, t'imagines? Ouais. Stouff, à ton tour, viens ici. C'est notre standardiste et après Slimane en live. Viens ici, viens ici. On termine par toi. Dépêche-toi, viens ici. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. La rue des pucelles, vrai ou faux? Vrai. Et non, c'est faux. Allez. Regarde comment elle tient. Pense au rat, pense au rat. C'est quoi ce bruit sorti de nulle part? Stockez-moi ce bruit. Stockez-moi ce bruit, ils vont s'en servir dans des pornos pour les 15 ans qui viennent. Enfin, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Le bruit qui fait vomir la terre entière. T'es prêt à chanter? Ouais, allez, vas-y, mets-toi en place. L'album va sortir le, redis-moi, 8 juillet. 8 juillet. 8 juillet, l'album de Slimane qui va s'appeler À bout de rêve. À bout de rêve. Ouais. C'est beau. C'est, plus, beau, c'est romantique. Ouais. Là, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a, Guiguette? On a passé les 4000 likes sur Dépêchez-vous, le défi Instagram. À 8000 likes, toute l'équipe avec Kinvé, on se met en vieux et on fera un bout d'émission uniquement en vidéo en mode de 3e âge. Qu'est-ce que pourrait donner l'émission dans 50 ans? On va faire ça bien. Pour l'instant, faites beaucoup de bruit. La première fois qu'il l'a interprété, c'était ici. Voici Slimane sur Énergie. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain à l'école, dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. Maman me disait, fais tes devoirs. Je lui répondais, attends de voir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. J'attends le train pour Paris. Sur la tête, mon bonnet. Des idées sur la vie. Là-bas, les gens se foutent de tout, de tout. Dans les bars, ils boivent des coups à la santé de tous leurs amours, qui bien sûr dureront toujours. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oublier qu'après le périph', la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname. Paname, Paname. Paname, Paname. Papa, Paname. Un pleur de toi sera dans l'album de Slimane qui va sortir le 8 juillet. Bravo, mon pote. Merci à toi. Merci, c'est cool. Beaucoup de bruit pour Slimane. Ah, oh, c'est bon. On arrive, j'adore. Tiens, autre style, rien à voir. Dans un instant, le clip Zougoulou. Il va tourner, hashtag Zougoulou le clip. Si vous l'attendez, tout, vous le mettez depuis quelques temps, vous allez voir toute l'équipe dans ce clip. On va bien se marrer, vous allez, j'espère que vous allez le kiffer. C'est un bon clip de fête. Oui, c'est vrai. Vous le mettrez sur la chaîne YouTube dans quelques minutes. Là, ça va être bon, il y aura Amir. Est-ce que les fans d'Amir seront aussi forts tout à l'heure pour avoir un hashtag Amir chez Koé sur Énergie? Entêté. On verra, vous nous le mettez entêté. Et si vous avez aimé le clip, hashtag Zougoulou le clip. Si ça vous fait kiffer. Voilà, oui. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a le temps de faire quoi? On a le Rat au Time, je crois. Hein. Bonjour, Lucie. Bonjour. Comment ça va, ma petite chérie? Ça va très bien, merci. C'était bien. Je ne sais pas si tu as écouté Slimane aussi. Ils t'ont parlé pendant ce temps-là dans le téléphone, mais c'était vraiment une tuerie. Bon, dans quelques minutes, tu auras Kinvey. Non, tu ris parce que tu n'as pas entendu. D'accord. Ok, d'accord. Je ne vois pas qui est Kinvey, mais très bien. Il sera là tout à l'heure, d'accord. Et il y aura Amir. Ok, je ne vois pas. Je ne vais pas regarder l'Eurovision. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pas au courant. Bon, Coralie, c'est ta sœur. Oui, c'est ça. Pourquoi tu vas appeler ta sœur pour le Rat au Time? C'est compliqué, ça. Bah alors, en fait, elle a un copain que je supporte pas. Ah, j'ai compris. Deux, trois fois. Et tu vas lui faire croire qu'en fait, tu vas faire des efforts et que tu l'aimes bien, son copain. Exactement. Ah, très bien. Et dès que tu entends le jingle qui dit... Et maintenant, la vérité. Et dans ce cas-là, tu diras, non, je peux pas lui blairer, etc. Tu balances tout, d'accord? Voilà, c'est ça. Allez, ne bouge pas, je croise les doigts pour toi. On y va, on appelle Coralie. Ça marche. Bah, c'est parti. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est Lucie. Tu m'appelles en privé? Oui, en fait, j'étais en rendez-vous là et je réglais un litige, du coup, j'ai dû me mettre en privé. Ah, ok, d'accord, ça marche. Voilà. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va, je suis chez les parents. D'accord, ok. Je t'appelle parce que je voulais te reparler de votre dispute de la semaine dernière là, concernant ton copain. Oui. En fait, je me suis dit que pour les vacances, je pouvais peut-être faire un effort. J'avoue que je ne suis pas toujours cool avec lui et tout ça, et il ne mérite pas forcément que je sois désagréable comme ça avec lui. Voilà, c'est peut-être moi aussi qui suis un peu conne, donc du coup, ça... Bah, ça lui permet d'être un peu débile aussi, donc voilà. Ah, ça me fait plaisir, tu vois, je suis contente que je commence à stresser pour les vacances, à me demander si j'allais pas partir du coup à une autre date, parce que c'est insupportable au bout d'un moment. Ouais, j'en tremble, ça me fait plaisir qu'on dise ça. Mais, Du coup, ouais, j'ai réfléchi et je vois que ça te fait du mal aussi, donc du coup... Bah on va dire que c'est pas évident, et puis même je pense que les parents ils disent rien, mais je sais pas trop ce qu'ils en pensent et tout ça à côté, donc c'est un peu pesant de tous les côtés en fait. Ouais, même lui derrière, il me met la pression parce qu'il est tout le temps en train de me parler de ça, et c'est lourd au bout d'un moment. Oui, bah oui. Enfin, moi j'en parle pas avec les parents, donc je connais pas trop leur avis. J'en ai pas parlé avec eux non plus, mais... J'ai pas envie non plus d'un sens, j'ai peut-être pas envie de savoir ce qu'ils pensent non plus, parce que s'ils me disent les mêmes trucs comme t'as pu penser toi à côté, je pense que je supporterais pas non plus. Ça passerait pas. Oui. Et maintenant, la vérité. Ça va pas être pareil. C'est quoi ça? Non, en fait, j'ai pas du tout envie de faire d'efforts avec ton copain. Je peux pas le supporter, je voulais que tu le comprennes. Je l'ai vu il y a pas très longtemps avec une fille en ville. Il a pas encore compris que se promener en ville main dans la main avec quelqu'un, ça voulait dire que... Je comprends pas pourquoi tu me dis oui, je veux bien l'accepter et tout, et là d'un coup tu me dis tout l'inverse. Bah parce que je t'ai menti. C'était le principe. je crois que c'est officiel. Hein. Pardon, excusez-moi, je m'appelle Koé, je crois que c'est officiel, elle ne peut pas le blairer. Ouais, visiblement. C'est ce que tu lui as fait là. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'elle puisse pas le blairer à ce point-là. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire de fille là? Je comprends pas. Lucie, pourquoi tu l'aimes pas? Bah, c'est un tout, il sait pas se comporter, il est mal élevé, il est odieux, enfin voilà, c'est un personnage particulier, il se la raconte, il a rien pour se raconter, il voit d'autres filles et Coralie a du mal à le comprendre. Oh merde, voilà, c'est pas... Ah oui, carrément. Tu dis devant ta sœur qu'il voit d'autres filles. Le gouge. Ok. Balance. Coralie, il voit d'autres filles. Je viens de l'apprendre. D'accord, voilà. Peut-être aller un petit peu brutalement, Lucie, elle était peut-être pas au courant. Ouais, mais c'est bien que ça se passe comme ça, au moins avant les vacances, ce sera réglé. D'accord, très bien. Oh là là, bon, c'est bien. Bonne ambiance. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Merde, restez avec nous, elles vont commencer dans quelques jours. On sera en live de Walibi en Belgique, vous suivrez tout ça sur energie.be. Oui. Toutes les images de l'émission d'un des plus gros parcs d'attractions de Belgique, en tout cas, et d'Europe. Walibi, ce sera là-bas, et nous, on fera l'émission devant plus de 400 personnes vendredi soir. Dans quelques minutes, il y a Amir et Kinvey. Rest your head. Close your eyes, you are right.

Coey sur Énergie. Il est ma propriété. C'est ma femme, hein, vous le savez, je veux dire, on s'était dit, hein, c'est ma femme. Ah ouais, mais c'est ça, oh, ça me fait plaisir de te voir, mon petit. Mais moi, ça me fait toujours plaisir d'être là. En plus, je sais que t'es bientôt en vacances, tu vas kiffer. Ouais, ah ouais, c'est l'avant, l'ATP 1000e, c'est l'avant-avant-dernière émission. Ah oui, comment tu dis? Un TP 0e, ouais, je sais, je peux le sortir que le ressentir. On peut le sortir, ouais, que, voilà, quand c'est l'un TP 0e. C'est très très sinon, joli. Ça marche pas. Ça va, mon poulet, quoi de neuf? Raconte-moi. Je fais ma petite tournée d'été. Mais ouais, bien, ouais, ouais. On est sorti vendredi dernier, tout commence bien. Bravo, très bien. Bien. Tout très bien, tout très bien. Tu vas passer où cet été? J'ai les dates ou pas? Non, je pense pas. Tu sais, on fait beaucoup de mairies, beaucoup de discothèques. Là, ce week-end, je suis à la Clé des Champs et au César. Attends, on fait les petites discothèques. Ah oui, non, c'est pas des petites, les deux. Non, c'est des grosses discothèques, c'est pour dire discothèques. Ah mais c'est bien ça, tu kiffes, t'aimes bien. Ah oui, ça c'est là d'où je viens, donc c'est cool. Mais moi aussi j'aime bien, ça. J'adore ça. C'est l'ambiance est bonne. Mais ouais, il y en a, c'est une tuerie, t'as pas envie de partir, t'es là, tu fais ah, on est bien, pas envie de partir. Non mais c'est bien, bon on s'en fait trois ce soir, mon ouais. Ah bon, fais ce que tu veux. On se fait bien. Laquelle? Ah, faut que ça m'a dit. Bah, excuse-moi, je viens une fois. Excuse-moi de te demander de travailler. Non, mais oui, merci. Ah, je te remercie, c'est exactement ce que j'allais dire, mais je me suis dit, on va le mal le prendre. J'en sais rien. Non, mais pardon. Surtout que je t'ai dit avant, mais tu vois, pas. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Ouais, mais tout le temps. Hein. Elle est prise en faute en train d'envoyer des SMS. C'est jamais de sa faute, ça va être moi qui la dérange. Toujours. Ouais. Et la nouvelle, celle qu'il te faut. Eh bon, on se fera tout ça dans un instant. On commencera par laquelle? Celle qu'il te faut. Ouais, très bien, Julie. Bah, t'as vu, maintenant je te lâche pas. Il y aura pas la bretonne, donc. Il y aura Lisa. Même si on joue du bignou. Il y aura Cathy. Et d'un moment à l'autre, dès que vous entendez le double hit, Rihanna enchaîné avec Maître Gims ou Maître Gims enchaîné avec Rihanna, vous gagnez le concert de votre choix, transport, hébergement, la totale et peut-être notamment Justin Bieber à l'Accor Hôtel Arena, chambre 21, là, supplément de petit déjeuner, le 21 septembre. Vous avez le transport, l'hébergement, tout. Ça peut tomber n'importe quand. Qu'est-ce qu'on écoute, Jérémy? Maître Gims. Ça veut dire que si après c'est Rihanna, double hit, 612 par SMS en mettant Coé devant. Continuez de liker le défi Insta. Ouais. Et tout à l'heure on se fait maquiller. Je t'expliquerai tout ça. Ah bah si, à 8000 likes on le fait. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Une délivrance, oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Si jamais maintenant c'est Rihanna, ça veut dire que c'est le double hit. 6, 11, 12 par SMS en mettant que au début de votre message. Et c'est Calvin Harris et Ariana, c'est ça? Oui. Oui. Ça tombe bien. 6, 11, 12. Vous rêvez d'aller voir Justin Bieber, vous n'avez pas les sous, vous n'avez pas les moyens du transport, nous on vous offre tout. Ou peut-être Rihanna ou ce que vous voulez. 6, 11, 12. Bon courage, bonne chance. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Du régime, t'as plus de voilà, je peux plus manger les gars. Attends, excuse-moi, là, la pizza de Julie est là. Celui-là, il est violent. Vas-y. Attention, canon. Canon à compétir. Vas-y, la tomate mozza de Julie. Il y avait Julie qui mangeait sa tomate mozza. Elle va tout tuer. Putain. Voilà. Ah, c'est carré. Oh là là, la violence. Oh, celui-là, il est violent. Ah ouais, il est pas mal. Celui-là, il est parti. Mais il y a des trucs qui partent avec celui-là. Hein. Oh, il y a des cailloux dedans. Il y a des cailloux, ouais. Je vais essayer sur le public. Tout à l'heure, quand tu vas chanter, je vais essayer sur le public. Ah bon. C'est bien, ça va pas me faire sursauter du tout. Non, ça va aller, tu ne le sentiras pas. Comment ça va, mon copain? Bah, très très bien. Il y a plein de gens qui veulent te faire un bisou. Il y a des cailloux. Eh, hey, Céline, on t'entend. Il lance des cailloux. Il lance des cailloux. Hey, ça va, Céline? Hey, hey. Ça va et toi? Oui, ma chérie, vas-y. Kinvé, Céline, Kinvé. Hop, bonsoir. On y va. Salut, Kinvé. Bonsoir. Donc oui, moi je voulais savoir comment ton meilleur ami toi il vit le succès du fait que bah il est en tournée avec toi, il fait des boîtes de nuit avec toi et tout. Lui il est détaché. C'est quelqu'un de très détaché toi. C'est il kiffe parce qu'il kiffe ce qu'il fait, mais ça l'a jamais fait rêver, tu sais, le truc tout ça. Donc pas son truc. Non, c'est pas son truc. Il adore ce qu'il fait, il adore être sur scène et tout, mais il est content de pas être au devant de la scène en fait. D'accord. Voilà. Ouais, ouais, c'est quoi ce bordel autour de toi? Elles ont fait une réunion super rare. Je suis devant le studio avec des amis en fait. Ah, vous n'avez pas pu rentrer? Pourquoi t'es pas dedans? Parce qu'elle a des ballerines. Parce que Ah oui, ça c'est ridicule. Il n'y avait plus de place pour être dedans. Ah, t'es dehors. C'est dommage. Oui, hein. Vous êtes combien de filles? On est trois. Ah, c'est marrant. On vous l'aurait bien envoyé, mais il pleut. Ouais, c'est marrant. En plus, ils étaient déjà tous vus dehors. J'ai déjà fait toutes les Allez. Photos et tous les signaux. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi, ma chérie? Quoi? Ça va te faire plaisir, ce que je vais te dire. Tu sais quoi? Tu vas rester dehors. T'as de la chance qu'il fasse 30. Je t'embrasse. Bisous, c'est parce que la même chose hier, tu faisais la gueule. Bisous, Céline. Bisous. À tout à l'heure. Surveille mon scout. Merci. Tant qu'on y est. Bah, oui. Fais la sirène d'alarme dès que quelqu'un s'approche. Lisa. Ah, allez, dans le vent. Ah, Lisa, t'es où? Ah, oh, j'essaie de passer par le toit. T'es où, Lisa? Bah, je suis chez moi. Mais c'est génial, mais c'est où chez toi? Ouais. À Strasbourg, enfin, dans un petit village à Strasbourg. Et il y a du vent, visiblement. Oui, un peu. Allez, je te présente Kinvé, vas-y, ma belle. Bonsoir. Salut, salut Kinvé. Je voulais d'abord te féliciter pour la réédition. Merci. Et pour les moments passés sur la tournée avec toi, où on a été à Strasbourg et à Paris. Ah, merci. Et aussi, merci pour le K2A, à 3. Pour le quoi? Le K2A, c'est un club. Ah. Et voilà. Et donc, ma petite question, c'était comment tu gères le fait de stopper ta tournée pendant des mois? Donc, tu reçois plein d'amour et tout, et d'un coup, ça s'arrête, ça se fait pas un vide. Ah, si. C'est bizarre, en plus c'est vrai ce qu'elle dit. C'est que quand t'es dans la tournée, t'es dedans et t'es en kiff. Et puis tu reçois des messages tout le temps, vu qu'il y a plein de monde qui vient. Donc à partir du moment où il y a plein de monde qui vient, il y a plein de tweets. Et d'un coup tu te rends compte que tu ressens comme un vide affectif. Comme si l'être aimé en fait partait, je sais pas. L'être aimé, c'est bon. Mais t'es comme nous, t'es un romantique. Mais voilà, tu fais partie du club des fleurs bleues. Donc nous en partie avec toi. Est-ce que tu veux rejoindre notre groupe? Non mais moi c'était vrai, vous êtes pas des fleurs bleues du tout. Bon, non, ça, on ressent un vide. Mais même toi, c'est pareil. Quand tu fais des one man et que tu t'arrêtes, tu ressens un vide. Non, mais même le jour même, c'est pas pareil. Le jour même, quand tu sors d'un truc, on a fait des trucs en public et que tu passes de 5000 personnes ou 1000 personnes à chez toi tout seul dans ta chambre d'hôtel. Mes amis, alors ça, non, parce que moi, j'aime bien le calme. Ah bah... Ouais, mais ça te fait bizarre. Ça te fait t'arrêter un moi, truc ma, quand même. Moi, ma plus truc, grosse déprime, c'est quand on a le palais des sports où t'étais venu. Ah oui. Le palais des sports où tu passes de 4500 personnes et tu fais la bise à tout le monde. Et tu rentres chez toi. Clang, la porte elle se ferme et t'es assis dans ton canapé comme un con. Je peux te dire qu'à ce moment-là, moi je l'ai mal vécu. Ouais, mais j'ai quand même fait la fête à tes fesses. Oui, mais après, mais c'était sexuel, ça ne remontait. Est-ce que tu remplaçais 4700 personnes? Non, hey, tu sais. Tu sais pas? Non, je l'aurais senti. Je te fais un gros bisou, ma petite Lisa. Je pourrais faire juste une petite dédicace? Vas-y, fais-le. Dédicace aux jumelles, Lisa et Clara. Et à Elisa et Laura. Eh ben on t'embrasse fort. Qu'est-ce qu'on se fait comme premier titre alors, Julie? Celle qui te veut, la nouvelle. Allez, on se fait la nouvelle. Ah bah vas-y, mon pote, mets-toi en place. On va s'en faire plusieurs. Donc on y va tranquillement. Hein. Oui. Ah, on va kiffer des trucs tout à l'heure. On va faire une séquence qu'on aime bien puisque ce soir la Belgique joue. Oui. C'est ça. Hein, donc on fait une mise à tous nos amis belges. On est numéro 1 là-bas, donc on a envie que vous marquiez aussi. C'est contre qui la Belgique? La Suède. Merci beaucoup. Oh, ça va, contre la Suède, vous allez vous en sortir. Ah, il y a Zlatan. Non, mais il fait rien. Il est en pré-retraite, là, ça y est. Ouais, ils vont pas le fatiguer. Même lui, il se dit, je veux pas me casser le truc. Enfin, s'il lui marque pas, personne ne marquera. Hein. Ouais, c'est pas faux. Bon, en attendant, tout ça pour dire que tout à l'heure, on va faire un truc qu'on aime beaucoup, ça s'appelle le pourri le match. Mmh. Oui. Le pourri le match, c'est comment pourrir le match de quelqu'un qui est devant sa télé et qui a bloc. En attendant, présentation, comment s'appelle ce jeune homme? Glory. Glory. Oui. Comme. Comme son prénom. Comme le mur. Voilà. Comme le mur. Voilà. On a déjà fait de celle-là. Le Glory Hall, bah en même temps. Genre, tu connais pas. C'est ça, je suis le seul à pas connaître. Je sais pas ce que c'est qu'un Glory Hall. Glory Hall, c'est Allez regarder sur internet. Non, allez pas regarder sur internet. Faites du bruit, voici la nouveau titre de Kid Buri. On va s'en faire plusieurs ce soir. On est en live sur Energy, tout va bien, 9h moins le quart. Chez Koé sur Energy. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. Je veux faire de ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités. Si à mes yeux c'est une évidence, promets-moi. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Et tu ferais de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Changerai tes larmes en sourire. Je vais faire en sorte que tes peines ne soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque dans notre amour est plus fort que tout, lady. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Tu feras de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page de ta vie en l'air. Si tu me laisses la première place, oh baby. Ton cœur donne da dan da dan dan da dan da dan donne-moi ton cœur donne da dan da dan je ferai de ta vie allez dan da dan donne-moi ton cœur pour donner la page allez dan da dan da dan donne-moi ton cœur si tu me laisses la première place. Il est bon ce titre. Merci Monsieur Glory, le nouveau titre de Kimbe. Bravo, c'était bon ça. J'adore ça. Kinvé est notre invité ce soir. On va se passer plein de trucs, il y a plein de gens qui vont te faire la bise et tout. Comment ça va se passer le pour le match, Julie? On va faire quand le match sera commencé parce qu'il va encore commencer. Oui, on appelle en Belgique, on est d'accord. On appelle en Belgique, ouais. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Ah, oui, on va faire chier du supporter belge qui suit son match de son équipe. Oui, voilà. On aura une jeune fille en l'occurrence qui est dans un bar belge. Oh, il y a du monde. Tu veux dire où le son va être mis à fond? Elle peut prendre cher. J'ai peur pour elle. Oh merde, oui. Et elle va devoir pourrir le truc. Oui. Bon, tout à l'heure, tu sais qu'on a donc lancé le grand défi Instagram à 8000 likes. En fait, on a imaginé un truc. Comme on s'est dit que ça faisait quand même la 6e saison qu'on terminait ce soir, comment ça serait dans 50 ans? On serait tous très vieux. De ce qu'on va se faire, c'est qu'à 8000 likes, on se transforme à la fin de l'émission en vieux. Il y a des maquilleurs, des maquilleuses un peu partout. Toi aussi, comme moi. Oh, mais toi, sur toi, il n'y a pas beaucoup de taf. Mais c'est marrant cette vanne. Oh, elle est mauvaise aujourd'hui, t'es une peste. Lui il a le droit de me dire des saloperies parce que c'est ma femme. Et quand on va rentrer à la maison, je vais lui mettre une grande claque dans sa gueule. C'est exprès pour ça que je l'ai dit. D'accord. Alors que toi t'es à peine une connaissance au travail. Mais toi tu me dis tout le temps salaud. C'est super sale. Je te signale qu'on se connaît plus longtemps que lui. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Oh là là. Mais l'intensité, petite, l'intensité. Tu vois, l'intensité. Donc il y a un moment donné, tout ça pour dire que si on arrive à 8000 likes, on est à combien, Gaguette? On est à 6005. Alors dépêchez-vous, allez me liker les 6005. Et ce qu'on se fera, c'est qu'on se fait maquiller. Et à 22h, quand l'émission sera finie, on se fera une vidéo de comment on sera dans 5 ans. On se fait une émission, mais genre en 2056. Ah, on est en 2056. On n'est pas bien. Hein. En 2056, on sera pas bien. Hein. Ah, c'est bientôt la fin. Ça va être bon. Ça va être bon. Dans la série, est-ce qu'il a un mot d'excuse? Ah oui. Dans la série, est-ce que parce qu'il y a du retard, on est d'accord? Ah oui. Ah oui, bah oui, 40 minutes. Ouais. Ah, ouais, voilà. J'attends le mot d'excuse. Faites du bruit pour Amir qui est en retard. Je... s'il te plaît. Il y a un mot. Donne-moi. D'abord, tu vas m'amener ton. Ouais. Le carnet. Tu vas m'amener ton carnet de correspondance. Toi, ça va être vite vu. Qu'est-ce que c'est que ce retard? Bisous, là, bisous. D'abord, on dit bonjour. Alors. Ben, je viens d'atterrir là, en fait. Oh là là, oui. L'excuse pourrie. Je viens d'atterrir. Tu as atterri d'où? Le billet d'avion. Quoi? Tu as atterri d'où? J'étais à Saint-Médard-en-Jalles. Mais il n'y a pas d'aéroport, Mito, à Saint-Médard. Enfin, tu le vois, le mec, il dit, mais j'ai raté la charrette, enfin... le vol de 19h08. T'as un mot du pilote? Je suis, ouais, il me l'envoie par fax tout à l'heure. Oh, j'ai fait une séance de dédicace là-bas dans la région de Bordeaux. Désolé, il y a eu un petit retard dans l'avion, mais je pensais qu'à vous tout le long du vol. Oh là là, c'est ce qui nous a porté bonheur, je pense. Oh, ça va, j'y crois un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il fait plaisir. Bah, il s'installe avec nous. Oh, viens avec nous. Bah, oui. Attends, j'ai que des questions sur Kinvé, ça va faire la gueule là. Laisse-nous deux secondes. Moi, j'ai le même t-shirt que Koé, c'est ouf. Ah oui, c'est dingue. Ouais, on s'est habillé pareil. Même taille et tout, on est copains de t-shirt. Ouais. Presque même taille, je tiens que maintenant. Mais sûrement même taille, non? Il a beaucoup maigri. Ah ouais? C'est pour ça que je dis ça, je voulais viens t'asseoir avec nous, viens t'asseoir là-bas. Ouais, c'est vrai, on est copains de t-shirt. Hey. Et c'est là où, en théorie, tu devrais faire ta jalouse en disant, oh, comment ça? Vous avez les mêmes t-shirts? Non, parce qu'il n'y a pas pu te le piquer. Tu t'es pris un coup de micro dans la gueule. Je ne peux pas avec lui, putain, j'essaie de lui faire de la place. Un titre, les prix. Cathy, 25 ans, ça va ma chérie? Oui, ça va, oui. Allez, vas-y, Amir vient de s'installer, il y a Kinvé qui est là, pose ta question. Coco Kinvé. Bonjour, bonjour. J'avais une question, alors c'était pour te demander si lors de ta prochaine tournée, il y aura des chansons de la réédition. Oui, dans la prochaine tournée, il y aura des chansons de la réédition. Lesquelles, je ne te le dirai pas, mais il y aura des chansons de la réédition. D'accord. Tu ne sauras pas. Bon. Bah, c'est parce que j'aimerais le mois de novembre. Ah, bon, bah, je te fais un gros bisou alors, je t'embrasse fort. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Manon, ça va Manon? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais des signes? Je voulais que tu lances la pub. La pub, ouais. Mais alors, tu sais quoi? Manon, pose ta question et après, je lance la pub. Moi, tu veux pas lancer la pub avant et je pose ma question après? Alors, tu sais quoi? Je lance la pub avant et tu poses ta question après. Maintenant, les auditeurs choisissent intégralement ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas maintenant, j'ai plus aucune volonté. On est en fin de saison. Je sens que Kevin à la club, qui le démange, tu vois, là. Donc, Merde. C'est un truc de fou. Restez avec nous dans un instant, puisqu'il va fumer sa clope. Dans un instant, continuez d'aller liker. Et dans la foulée, tout à l'heure, Kinvé, on fera un truc sur les radios. Parce que t'es venu souvent chez nous, t'as fait plein d'autres radios. Mais pas toutes. D'accord. On en parle. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Ready? Muse. Justin Bieber. Selena Gomez. Beyoncé. Luan. Pharrell Williams. Maître Gims à Carcassonne. Rihanna à Stockholm. Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar Énergie préférée. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit music only. Slimane, le grand gagnant The Voice. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Découvrez le premier album de Slimane, enfin disponible en précommande. Inclus le tube Paname et à fleur de toit. Gagnez avec Darty des packs Alcatel Idol 4 avec un smartphone et un casque de réalité virtuelle sur Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 en direct du Gros du Roi sur Énergie. Tous les matins, Manu vous offre avec Darty le pack Alcatel Idol 4 en exclusivité avant sa sortie le 27 juin. Énergie, hit music only. Pam pam. Tu as vu? J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi, j'en ai perdu 50. C'est pas vrai. Mais si, si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés. Le musée du Quai Branly fête ses 10 ans. À cette occasion, un week-end festif et gratuit avec deux jours non-stop, une nuit blanche et une programmation exceptionnelle. Exposition, visite surprise, rencontre avec Jean Nouvel, bal de l'Afrique enchantée, ciné-concert de Tilassine, sieste électronique et bien plus encore. Venez vivre une expérience unique samedi 25 et dimanche 26 juin au musée du Quai Branly. Toute la programmation sur quaibranly.fr. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'aéroport de San Fernando. La température au sol est de 27 degrés. Et si, comme moi, votre forfait n'est pas adapté, restez en mode avion. Ou restez dans l'avion. PNC aux portes, armement des toboggans. Hey, hey. Profitez de votre téléphone même à l'étranger avec le forfait mobile Free. Hey, hey. Seulement 19,99€ par mois, 35 jours par an dans toute l'Union européenne et aux États-Unis. Merci Free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. De retour de Rio, les meilleurs athlètes mondiaux vous donnent rendez-vous le samedi 27 août au Stade de France. Plus de 4 heures de fêtes, de spectacles, de performances de haut niveau. De quoi passer un moment inoubliable en famille ou entre amis. Tarifs à partir de 19€ avec le pack tribu. Meeting de Paris, le meilleur de l'athlétisme. Samedi 27 août au Stade de France. Infos et réservations sur stadefrance.com. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30€ chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90€. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. C'est la foire au siège auto chez Baby R Us, l'espace 100% puriculture chez Toys R Us. Jusqu'au 10 juillet, jusqu'à moins 40% de remise sur plus de 150 références. Par exemple, le modèle Triojois, groupe 2-3, est à 59,99€ seulement au lieu de 99,99€. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur internet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Sarenza.com. Chez Sarenza, dès aujourd'hui, nous soldons Nike, Geox, Converse et plein d'autres chaussures jusqu'à moins 60%. Et ça, ça promet de faire très mal. Choisis une paire. Non, j'ai peur, le monsieur, il a dit que ça va faire très mal. Mais non, c'est une expression qui veut dire que c'est génial. Regarde les baskets super soldées. En plus, elles sont livrées gratuitement en 24 heures. Non, j'ai peur, Bobo. Écoute, la seule chose qui peut faire très très mal, c'est de les rater. Aïe. Alors, vite, téléchargez l'appli Sarenza. Voir conditions sur sarenza.com. Ariana Grande. Ariana Grande, nouvel album disponible. Vous êtes entrepreneur ? Le concours Graines de Boss est le tremplin à ne pas rater. 350 chefs d'entreprise reconnus en Europe soutiennent ces lauréats avec un réseau influent, des introductions commerciales et des ressources très utiles. Alors boostez votre projet d'entreprise. Participez au concours Graines de Boss sur grainesdeboss.com. On va vous le mettre sur notre chaîne YouTube. Bon, j'étais en train de manger un truc, la pub s'est terminée plutôt que prévu. Prévenez-moi aussi, oui. Les gars. Je fais que ça. Tu vois pas les gestes. Oh ouais. Merde. Fais gaffe, tu vas re-remplir ton t-shirt. Mais non, c'est une barre de protéines qui t'emmerde. D'accord. Avec amour. Et qui est hyper dur à bouffer. Ça me fait chier de vous voir bouffer des bouts de brownie depuis tout à l'heure. Vous m'avez mis des confettis partout. J'en ai deux. Et où t'as ce plan encore là. On est en train de manger. Ah non. Attention, confetti géant. N'arrive pas à lancer. C'est parti. Et il y arrive tu pas. Tu sais pas t'en servir en fait. Comment ça, je sais pas moi servir. Bah, tu sais pas t'en servir. Amir est notre invité. Ouais, c'est ouf. Hein. Ah, et justement, ça regarde, il fume. C'est énorme. Le tien. Ah, non, laisse tomber, laisse tomber. Ah, c'est bien, comme ça, on en a mis partout. Hey, maintenant que vous m'avez tué ma boisson, allez. Allez, c'est un peu ce qu'on voulait. Qui nous met avec Amir. Dans un instant, on aura un autre titre de Kinvé. On fera du Fatoumata tout à l'heure ensemble. On va se faire le titre. J'ai cherché Damir dans quelques secondes. Petite question pour Amir de Pauline. Bonjour Pauline. Salut Koé, salut l'équipe, salut Amir. Hello Pauline. Alors en fait, j'ai deux questions. Ah, ouais, agrégeons. La première, alors, ça serait... Attends, je te coupe. Je tiens quand même à dire que nous avons en TT France hashtag Kinvé chez Koé sur Énergie. Yeah, classe, nous avons hashtag Slimane chez Koé sur Énergie. Était là juste avant. Nous attendons Amir chez Koé sur Énergie. Et là, ce serait une triplette. Et là, on refait péter des trucs, le coup du chapeau. Et là, dès que les fans de Amir nous ont mis Amir chez Koé sur Énergie, qu'on a un triple TT simultanément, je vous préviens, la bombe est en dessous. Là, les confettis sont dirigés, ils sont télécommandés, ils vont directement dans l'Ice Tea de Julie. Directement. Vas-y, Pauline, pose ta question, ma belle. Alors, ma question, ça serait. Alors, en fait, en ce moment, t'es un artiste proche de tes fans, mais est-ce que tu t'en éloigneras quand tu seras plus connu? Est-ce que tu deviendras un gros con? Est-ce que tu deviendras des tendances connues? Elle est terrible, cette question, quand tu seras plus connu. Plan de carrière, ouais, tu vois, c'est... J'ai marqué là-bas bien s'éloigner des fans, mais non, absolument pas. C'est, écoute, je suppose que moins j'ai de temps, plus c'est difficile pour moi de donner de l'attention aux fans. Mais l'amour que je reçois me nourrit et donc je me sens très très concerné. J'ai une énorme volonté de rendre autant que je peux et je le fais dans les limites du temps disponible. Je le fais au maximum possible. Voilà. Je suppose qu'il y a 6 mois, j'avais peut-être un peu plus la possibilité de le faire qu'aujourd'hui. Mais j'essaie de garder au maximum cette proximité parce que c'est important pour moi de montrer ma reconnaissance. Voilà, encore un mec romantique et bien comme nous. Comme nous, voilà, pareil. Voilà, il rejoint le club des hommes qui sont poétiques et romantiques. Tiens, je t'offre une rose. C'est la rose. Ouais, t'en feras rien. T'es pas romantique comme nous. Voilà. Nous, on est romantiques. Kinvé, Amir, Pietre et moi. Voilà. J'en veux plus, les gars. Vivement les vacances. J'en veux plus, là. Bon, voilà. Elle est où, partie où? Elle est partie où? Pauline. Allez. Eh ben voilà, je te fais un gros bisou, Pauline. Gros bisou. C'est qui crie à côté? C'est des gens dans la rue. Ah d'accord, ils sont chiants un peu. À bientôt, bisous ma belle. Bisous, hop, question pour Kinvé. Alors on y va. Tu veux esquiver sa deuxième question? On a dit j'ai deux questions. Oui, mais il y avait trop de bruit derrière. Ouais, mais vaut mieux rester sur un truc au top. Camille, question pour qui? Pour Kinvé. Allez, on y va, il est là. Allez, 14 ans, Camille. Go. Salut Kinvé. Salut, salut. Alors j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi la ville de Fourmi pour la fête de la musique plutôt que les scènes diffusées à la télé? Pourquoi tu as choisi la ville de Fourmi pour la fête de la musique? Alors je vais faire une réponse politiquement correcte. Fourmi parce que déjà ils m'ont invité et de deux les trucs à la télé le jour de la fête de la musique j'ai donné. Oh, et puis de trois ça va. C'est pas la télé qui paye le 4-4. Ça passe tout le temps super bien. Ah bah c'est génial, c'est quand t'as un plateau multi-artiste, tu fais un plateau multi-artiste, ils te font faire des balances, tu demandes même pourquoi t'y vas. Ah oui, mais j'en parlais tout à l'heure, souvent quand même, le mec qui a le son. Il y a un moment donné, on a l'impression qu'il vient de découvrir la console quand même. Le gars. Non, je pense qu'il est vraiment en galère. C'est, il a trop d'artistes par rapport à ses pistes, donc il est en chien. C'est pas de sa faute à lui. C'est juste que c'est pas possible. Donc c'est voilà, j'ai donné. T'as fait la fête de la musique, toi, Amir? Oui. Yeah. Bien. Non mais est-ce qu'il a vu ça bien passé? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur France 2, ils m'ont décerné le disque d'or et c'était. Ah oui, joli. C'est bien. Mais donc ça a été. Tu t'es réécouté après, c'était bien. Ouais. Pas mal du tout. Enfin. Ouais, j'étais bon. Je parle du son. Ah mais bravo, c'est bien. Non, parce que des fois, il y en a, ils en sortent, ils font oh, t'es plus dur. Bon, voilà ma petite Camille, je te fais un gros bisou. Bisous. Bisous, ma chérie. Attention, avant d'avoir le live d'Amir, j'étais en train de me dire, mon Kevin. Vas-y. J'étais en train de me dire que t'as fait pas mal de radio. Toi aussi, Amir, t'as dû faire plein de radio ces derniers temps. T'as vu de tout. T'as dû voir de la radio locale, de la radio où les gens ont dit bonjour à tous. Je découvre cet univers. Ouais. Cher Amir, bonjour. Donc pourquoi des. Bah, voilà, j'entends en anglais à l'Eurovision. T'as dû avoir des trucs comme nous. Bon, il n'y a pas de questions très profondes, mais on s'amuse. Ouais. Voilà. Ah, ouais, c'est le principal. Puis vous pouvez. Et alors finalement, on se disait que pour Kinvé, il y a des nouvelles radios que tu n'as pas encore fait. Vas-y. Connais-tu Radio Franchise? Tu connais pas? Ah, écoutez-moi bien, vous qui êtes chez vous à la maison, voici Radio Franchise. Radio Franchise. Radio Franchise. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Radio Franchise, la radio qui dit tout. Radio Franchise, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Kinvé, enfin de son vrai nom, Kevin. Hein. On se dit tout, gros prénom ringard quand même. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le chanteur obsédé sexuel à l'horizontale, Fatou Mata, faut que je la mette et la compagnie. Il est là pour ce soir pour son nouveau single, Celle qu'il te faut, qui n'est pas top, hein, sur Radio Franchise. J'ai connu mieux, on va pas se mentir, et en plus... Il est sur la réédition de ton album Là où le vent me mène. Autant dire que tu t'es pas fait trop chier. Kinvé, les chansons, c'est juste pour te faire de la thune ou faire la tournée des boîtes avec du black? C'est quoi, hein? Ouais, évidemment, enfin c'est avant tout pour pouvoir aller me griller le cul au soleil, ouais, la moitié de l'année en disant que c'est pour tourner mes clips. Ok, merci Kinvé. Vu qu'on se dit tout, je viens de lâcher une petite perlouse. À bientôt. Garde-le, ça te fera un prochain single. C'était ça la wave de fin, d'accord. On en a une autre, tu connais Radio Focus? Non, vas-y. Bon, si, il y en a beaucoup là. Radio Focus. Salut, j'adore. Bienvenue sur Radio faux cul. On vient d'écouter cette sublime chanson à texte de Maître Gims. Et maintenant, je reçois le beau et talentueux Kinvé. Bonjour Kinvé. Bonjour. Kinvé, ton nouveau single, Celle qui te faut, est un chef-d'œuvre musicalement sur Radio Focus. On trouve qu'il est au top. Ouais. J'avais pas entendu une telle perfection sonore depuis ton live au Energy Music Award en 2013. Kinvé, comment tu fais? C'est la question aujourd'hui de Radio Focus pour être aussi bon. Je m'inspire beaucoup de ce que font les autres artistes pour les performances vocales en ce moment. C'est Boosty qui m'inspire. Je sais pas qui c'est. Pardon. Et pour assurer ma tournée des Zéniths, j'ai demandé conseil à Alizé. Deux bien grands artistes au top de leur carrière. Effectivement, merci Kinvé. On termine par Radio Tête de Con. Boosty? Mais tu connais pas Boosty? Si, mais si, tu connais. Il passe sur Énergie 4 fois par jour. On finit par Radio Tête de Con. Vas-y. Allez, ça va bien. Allez, c'est ma préférée, celle-là. Radio Tête de Con. Elle te va mieux, celle-là. Radio Tête de Con. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est maintenant, là. Ah, cache les couilles, putain. Allô, ouais, salut, bienvenue. Radio Tête de Con, quoi? Un invité, il est là? C'est qui, ce connard? Kinvé, ok, Kinvé, génial. De toute façon, moi, à part Renault, tout le reste, c'est de la merde. Kinvé, ça va être rapide, on n'a pas de temps à faire, j'ai autre chose à foutre, Kinvé. Mais je t'emmerde, moi, tu crois que ça me fait plaisir d'être là face à un animateur à la con qui a 50 ans et qui essaie de faire jeune? Ouais, mais moi, je sais lire. Écoute-moi bien, Kinette, là. Kin, je sais pas quoi. Si t'en es arrivé là, c'est grâce aux radios, ok? Alors, tu m'as gonflé, on va écouter un truc un peu bien. T'as du Justin Timberlake, voilà, c'est bien. C'est quoi ça? Oh non, coupe, je l'aime pas, lui. Ah, merloc de merde. En plus, je l'aime bien, putain. Bon, t'es toujours là, quinoa? Ouais, sauf que là, tu viens de dire ma phrase. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que ça veut rien dire, tu vois. Mais je croyais que c'était une phrase chacun. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je te disais, t'es toujours là, quinoa? Ah, vas-y, pardon. Et toi, tu me réponds? C'est Kinvé. Tu vois, quand il y a marqué Kinvé, faut que tu dises Kinvé. Mais oui, mais il y a quelque chose à toi, je me suis troublé. Ouais, on s'en branle. De toute façon, dans deux semaines, on t'aura oublié. Ferme ta gueule. Ouais, merci, King Jouet. Allez, c'est bon. C'était Radio King Tête Jouet. De Con. Et si on s'écoutait un album, un mec qu'on aime beaucoup, il s'appelle Amir et qui chante en live maintenant. Allez. Ça te branche ou pas? Ouais. Et hop. On est en triple TT? Ah oui, triple TT. Ah, attention. On est un triple TT. Attendez, on me dit que les admirateurs, que les Kinvé Family, les admirateurs, je sais pas comment on dit. Les Slimanateurs. Les Amirettes. Les Amirettes. L'Amireuse. Eh ben mes amis, Amir chez Koé sur Énergie, Kinvé chez Koé sur Énergie viennent de prendre le pas à Slimane chez Koé sur Énergie qui est rentré chez lui, donc les fans sont rentrés chez eux aussi. Eh ben bravo, t'es en TT mon gars. Bravo, t'es en TT. Non, j'ai tout pris dans la gueule. Et moi j'ai sauvé mon café. Une fois de suite. Moi j'ai perdu mon estime. Hein, faites beaucoup de bruit, c'est grâce à lui que cette année on parle en bien de la France à l'Eurovision. Amir sur Énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, bien. T'as dit de conneries? D'accord. Allez Amir, en live. You. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait. Bras. You, you're the blessures et de nos désinvoltures. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you're the one that's making me strong. I've been looking, looking for you, like the melody of my song, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. You, you're the one that's making me strong. And I'll be looking, looking, looking for, like the melody of my song. You. Amir sur Énergie avec le célèbre You. Moi pour moi, dès que j'entendrai You, ce sera Amir et rien d'autre. C'est, ouais, le, c'est, vrai. C'est le You à lui, you. C'est le You de personne d'autre. Amir, je tiens à te dire, et tu as dû le remarquer, une certaine confusion pendant ta chanson. Puisque tort. Le public a essayé de frapper des mains, Pietre a essayé de les remettre dans le tempo, mais les a en fait totalement décalés. Ouais. Donc le public ne savait plus qui devait suivre, donc plus personne à un moment donné. Mais parce qu'en fait, c'est un enfer ta chanson. C'est pour un rythme inversé. Ouais, c'est un rythme inversé, ouais, c'est sur le charlet en fait. Ça, eh bien, pour la peine. Genre, sur le charlet. Pour la peine, Zico, sur le second tour. À toi. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi maintenant tu le fais bien alors que pendant toute la chanson tu as perdu tout le public et t'as fait chier tout le monde? Parce que c'est justement, j'étais pour les remettre dedans. T'étais plus dedans du tout. Mais si, bien sûr que si, j'étais dedans. Je vais essayer avec le jeune homme barbu du public. Attention, tu me l'as fait comme dans la chanson. Non. La demoiselle à côté, on y va, attention. C'est magnifique, ces mouvements. Attention, le jeune homme à côté, on y va. Non, tu récupères l'autre. La demoiselle à côté, à mon avis, toi t'es une déesse du rythme. Toi, t'as un petit côté Beyoncé qui n'est pas encore ressorti, mais à mon avis, on va y arriver. Attention. Voilà, c'est ce que je disais, hein, on a toujours pas. On recommence, ma chérie, je l'ai un peu vite. Non, toujours pas. C'est dur, hein. C'est un petit peu difficile, ouais, mais. En fait, c'est pas sur le boom, c'est sur le clap. Kevin, il tient. Ah bah, Kevin, okay, il est normal, les mecs qui font de la musique. Kevin, il va nous le montrer. Exactement. Voilà. Mais ça se fait pas, on a le même chef de projet en maison de disque. Alors si les chefs de projet savaient faire de la musique, ça se saurait. Déjà, ils essaient de sauver leur place, on va pas leur demander de faire de la musique. Donc. Vas-y, toi. Je ferai de ta vie. Ah, c'est pas toi, ça, attends. Yeah. En fait, c'est. Que j'ai pris comme habitude parce que je sais que c'est un peu perturbant ce type de rythme, mais j'ai pas envie que le public il applaudisse à l'envers de moi parce que là ça va me forcer à faire des bêtises. Je les regarde et je leur montre comment applaudir. Une fois que je vois qu'ils ont chopé le tempo, j'arrête et je les vois suivre. En général, ça fonctionne. Ah, mais pas là, mais pas ici, non. Je pense que si ça avait dû les suivre, t'aurais fait. On n'aurait pas eu la même chanson là, non, mais c'est normal. C'est très dur, hein, ce truc inversé. Ça donne un truc en plus, je trouve, c'est marrant. Bon, attention, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh là là, j'ai du Amir, j'ai du Kinvé. De quoi? Pietre, il a un fond, du coup. Mais non, mais du coup, ça donne vraiment un truc en plus. Ça fait des jours qu'il travaille sur notre temps. Et ça me rend fou. À chaque fois que je l'entends, je mets même en voiture, je suis là, je lâche tout le volant. Pietre. Ok, c'est bon, c'est réglé. Tu peux continuer? Ouais, vas-y, c'est bon. Merci. Clémence, question pour qui? Pour qui je vais? Allez, c'est qui de vous? Bonjour, mademoiselle. Vous aimez bien? Salut, vous... Attends, salut, pas posé... salut, tout le monde. Salut, ma belle. J'ai pas posé Amir qui ne veut vous aimer bien ou pas? Parce que des fois, les artistes. C'est la première fois qu'on se voit, ouais. Non mais quoi? T'imagines, ils vont pas te dire non, on peut pas se alors, excusez-moi. Il sait très très bien que si je l'aimais pas, je me serais pas caché. Alors lui, oui. Mais Amir, il vient de démarrer, il est poli, jamais il se permettrait de dire j'aime pas ce mec-là. Il n'y a pas que ça, moi. T'as le droit de trouver que ses chansons, c'est de la merde, tu me l'as dit en antenne. Non, mais si on est sur Radio Franchise, ouais. Alors écoute, il y a une chanson à toi qui m'a bluffé à la première écoute. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis après, j'ai entendu l'histoire qui est derrière la chanson et j'ai trouvé ça brillant. Et c'est laquelle? Si j'avais su, j'aurais mis une capote. ça m'aurait évité ta venue. Dans la vidéo lyrique, tu vois des petits spermatozoïdes qui se baladent. Mais qu'est-ce que c'est? On la connaît pas, nous, celle-là? Si, si, si. Et il faut, bah, t'as qu'à écouter l'album. Ouais, ouais, je l'ai écouté, je te signale. Moi, ouais, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. D'une, humainement, il est quelqu'un qui inspire vraiment la gentillesse. Je suis pas là pour le mettre à pas, mais c'est vrai, je le trouve normal, c'est humain. Il a pas les défauts de certains. Et encore. Pour l'instant, si, je pense qu'il les aura. Et en plus, vocalement, bah, y a rien à dire. Et puis, il a quand même fait une magnifique prestation à l'Eurovision, ouais, avec un titre qui était quand même plutôt pas facile, parce que c'est pas très, à la base, très très grand public. Il est quand même sixième, et c'est un beau résultat. Et je suis fier que tu aies été représenté à la France à l'Eurovision. Voilà. Merci infiniment. C'est au top. Ils vont se pécho. En fait, c'est radio, on se fait plaisir finalement. Là. Tu nous demandes de me dire. Tu m'aurais mis Alizé à côté de moi, je t'aurais fait plaisir. J'aurais fait la peinture. Ouais, t'as payé le forfait, répondu. Vous savez pourquoi on est comme ça? Parce que on est tous des romantiques. Et voilà. Vous faites partie du club des romantiques, avec Fleur Bleu, avec Pietre, avec tout le monde. J'accepte. Clémence, petite question pour Kinvé, vas-y ma chérie. Oui, mais c'est romantique. Arrêtez. Vas-y Clémence, vas-y ma chérie. Alors moi, Kinvé, ma question, c'était si un jour, donc, dans ta carrière de chanteur, tu as voulu tout arrêter. Est-ce que tu as déjà voulu tout arrêter Non, je suis pas. Je t'ai posé la question. Oula. Ok, je t'ai posé la question. Tu réponds. Est-ce que tu t'es posé la question? Et il me semble, je ne suis pas trop dans le genre à abandonner. Vraiment pas le genre à abandonner. Par contre, le jour où ça s'arrêtera, je le vivrai normalement et j'irai vivre tranquillement sur une île déserte tranquille. T'as mis de côté, mon salaud. Non, sur une île déserte, ça veut dire que j'ai pas besoin de grand chose. D'accord. Bon, bah voilà, mademoiselle. Merci, Allez, je t'embrasse, ma petite Clémence. Oui. Ce serait possible d'avoir un poster dédicacé de toute l'équipe mais avec Kinvé. Mais bien sûr, on va en dédicacer quelques-uns. On va mettre Amir aussi dessus. D'accord, je t'embrasse. Merci, bisous. Bisous, ma belle. Voici le jeu, je vais te pourrir ton match, c'est ça? Oui. Ouais. On démarre maintenant ou on fait une petite pause? On peut s'en faire une petite partie. Déjà. Alors, on fait une petite partie. Voilà. Et puis après. Non, Jérémy dit. Dans un instant. Alors, ce que je propose, c'est qu'on est dans ce cas-là, on fait un titre de Kinvé. Oui. Si tu veux. Mais oui. Rien qu'une fois. Tu ne fais rien qu'une fois, d'accord? Allez, vas-y. Chacun son tour, chacun chante, c'est ça qui est bien. Ah, c'est bien. D'accord? Ok. Tant qu'à la demande générale tout à l'heure, je vous ferai. Alors, tu demandes si tu veux des applaudissements décalés. Tu nous le fais? Non. Non, on va déjà mettre le clip sur internet parce qu'on en chie avec ce clip. Je ne sais pas ce que d'où ça vient, j'ai l'impression que c'est un film de Spielberg. Vous êtes sûr qu'on l'a soir, les gars? Ouais, en théorie, ça y est, il est en train d'être encodé, on m'a dit. Encodé peut-être. Encodé, ouais, pas encodé. Il n'est pas en train d'encoder? Si, il est en train de. Non, mais le problème de ce clip, c'est qu'il était tourné sous la pluie, il fallait qu'on fasse croire qu'on était sous le soleil. Il a des effets spéciaux. Monsieur V, vous êtes prêt? Allez, on y va? Attention, faites du bruit rien qu'une fois. Kinvé sur Énergie avec nous en live. Je t'aime est devenu bien trop répandu. Te sortir de ta vie morose, je saurais le faire. Je saurais où est ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser des roses en plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi. Je t'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'a désolé en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Car je te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une vie comme toi, y'en a qu'une, dont je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies d'avouer. Oui, si tu nous laissais. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois, et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je t'emmènerai là où tu voudras, je te prouverai que je t'aimerai jusque sous les draps. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le toi et moi, rien qu'une nuit, C'est avec une V qui est là. On va se faire une émission. J'aime bien cette émission. C'est une de mes préférées, moi. Ah, merci. Ah, très bien. T'as déjà fait l'amour sur cette chanson? Non. Bon. Oh, tu fais l'amour sur quoi? Ça fait longtemps qu'il y a une légiature des genoux chez la dame, non? Tu fais l'amour sur quoi, Julie? Je pas forcément sur de la musique. Ouais, elle aime bien Drake. Ah ouais. I need a one dance. Ouais. Ouais, ou Animals de Martin Garrix. Sur quoi, les gars? Amir. Sur un lit, moi. Quoi que. Tu fais l'amour sur quoi? Sur tes chansons. Annie Cordy. Hey, ta yo yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? T'as raison, c'est ce qu'il y a de meilleur. Romantisme. Ça et Carlos, c'est pas une seule soirée. Donc, tu fais de la musique? Moi, je prends à qu'est-ce qu'on essaie de refondre cette boîte? Parce que la boîte à caca, c'est serré. On avait compris ça. Tu vois, il t'aimait bien jusque-là et moi maintenant. Amir, Kevin. Ah, c'est un petit peu ça. Je suis habitué à la poésie, c'est rien. Oui, mais parce qu'on fait un groupe de poètes qui savent déconner. Romantique. C'est tout. Allez, on a une question pour Amir. Jade, elle a 16 ans, elle habite à Nantes. Ça va, Jade? Oui, ça va, et vous? Oui, ma belle, vas-y. C'est une émission spéciale, on se fait plaisir. C'est la l'antépénultième. Alors, j'aurais une question pour Amir. Il est là. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Très très bien, bonsoir. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'Eurovision et depuis la sortie de ton album? Waouh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout a changé, mais finalement ça a juste été une évolution des choses que j'étais en train de préparer. Donc qu'est-ce que je peux te dire? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tout tourne autour de la musique, donc j'ai vraiment l'impression de vivre mon rêve. Et je traverse la France sans arrêt. Je vais partout, je rencontre des gens de partout. Et c'est super agréable de voir le public en face, de pouvoir le prendre dans mes bras ou de faire des photos avec les gens et de les entendre parler, dire ce qu'ils pensent des chansons. C'est énorme. Voilà, et c'est... même pas un petit détartrage de temps en temps? Non, absolument pas. De quoi? Il était dentiste. Ah oui, je comprenais pas le rapport. Non, t'imagines le mec qui fait. Oh dis donc, c'est un problème dentaire là. C'est une petite gingivite, ça va falloir dire. Ouais, vous allez venir me voir. Hein, allez... le gars qui continue son boulot, je vais vous arracher ça deux secondes. Tournez-vous. Allez-vous. N'empêche que la prise de risque est respectable dans le sens où le gars, quand même, n'avait pas le taf le plus pourri du monde. Ouais, non, dentiste, c'est vrai. C'est bien. Ouais. Dentiste, c'est bien. Bah oui, c'est vrai. Il a pris le risque de faire la musique quand même, c'est joli. Depuis quand tu coupes cette conversation sans même lever la main, s'il te plaît? Il a le droit d'intervenir. Enfin, mais non, n'interviens pas comme ça, sinon c'est un château. C'est pour ça, dire ça, quelque chose de gentil. Oui, et puis oui, c'est vrai. Bah, c'est rare. Mais pour une fois, il n'y avait pas un truc de cul dedans. Donc... Je te fais un gros bisou, Jade. Au revoir, Jade. Gros bisous. À bientôt. Tiens, tant qu'on est sur Amir, Amandine, 19 ans, ça va ma chérie? Et après, on fera le bar. Je le fais quand, le bar? Voilà, mais il y a la pub, donc t'as pas le temps, donc après la pub. Bon, alors attends, ne bouge pas, Amandine, que tu la gardes la question. On a Lorane, t'es là, Lorane? Salut. Alors, Lorane, salut ma belle, ne parle pas trop fort, tu es donc dans un bar, en ce moment il y a le match Suède-Belgique. Ouais, mais je suis sur la terrasse, donc d'accord. Ça va, c'est cool. Il y a le match Suède-Belgique, tu es donc en Belgique, dans un bar. Absolument. Où évidemment on a mis la télé pour soutenir le match. C'est le bordel, ouais, c'est le bordel. Et tu y es allé avec qui? Ah, je suis là avec plein de potes et je suis là avec plein d'inconnus qui sont beaucoup trop chauds parce que là, ce soir, on joue tout. On joue tout. Ah, ça joue contre. Si jamais vous gagnez là, vous ça se passe quoi? Non, mais ils sont qualifiés. Non, déjà. On peut faire un. Il y a le play. Un match nul. Et si ça fait un match nul, vous êtes qualifié quand même. Il passe aussi, ouais, mais. Mais oui. Bon, ouais. Contre la Hongrie. Comment tu pourrais faire chier les gens qui regardent le match dans le bar? Alors comment est-ce que je pourrais les faire chier? Bah éteindre la télé. Écoute, déjà, je prends un ouais, échange de chaîne. Non, mais déjà, est-ce que c'est possible? Écran géant. Ah, oui. T'as un écran géant, donc déjà j'ai pas la télécommande, je peux pas mettre de la musique. Mais par contre, je peux me taper devant. Tu peux aller devant? Devant l'écran? Je peux aller devant l'écran et je peux faire mes gâchés. Rendez-vous dans deux minutes. On verra. Prépare une chanson, un truc comme ça. Challenge accepted. Challenge accepté. Eh bien, challenge relevé. Ne bouge pas. On en parle dans un instant, ma belle. On est de retour. Amir est là. Kinv est là. Ne bouge pas. N'y va pas tout de suite. Rendez-vous dans le bar à Bruxelles. À tout de suite. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qu'est-ce que vous attendez de faire cet été en vacances? C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Vous nous appelez et on a aussi plein d'enfants qui sont venus avec nous dans le public. Ouais. On a Léo qui est avec nous. Bonjour Léo. Bonjour. C'est quoi le moment que t'attends cet été? Aller pêcher avec mon papa. Tu pêches bien ou pas? T'en ramènes beaucoup? Oui, parfois. Genre combien? Une dernière fois, on a fait 41. Ah oui? Hein? Non mais attendez, vous pêchez à la dynamite ou quoi? C'est ça. Nico? T'es sûr que c'est pas le supermarché où tu vas? Rendez-vous demain, 6h, 9h30 sur Énergie. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Toute la nuit.

Lui, c'est qui? Moi, c'est Gay Get. Moi, c'est Gay Get. Gay Get. Sur Instagram. Moi, c'est Gay Get. Tu m'adaptes. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis. Ben, j'ai le droit de rire, non? C'est une émission conviviale, la première émission. Non, moi, je sais ce qui se passe. Je suis allé dans les chiottes et j'ai vu ce qu'il y a dans les chiottes. Il y a des sardines et un poisson qui pue. Quoi? Ah oui, mais ça, c'est bien qu'il y a une connerie qui arrive. Je sais pas s'il est pas passé à la trappe, celui-là. Ouais, je crois qu'on a plus le temps. C'est pas plus mal parce qu'il faut être chambé. Ouais, mais il faut être rachambé chez lui, celui-là. Je crois que là, on n'en aura plus le temps. Par contre, on se fera le truc de vieux. La petite Amandine, c'est quoi le truc T'as pas entendu le jingle? Il y a eu mon jingle du défi, allô? Oh oui, ça y est, on a passé. Mais non, j'écoutais pas, j'étais en train de. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Juste pas, non, je vais m'en aller. Tout ça pour vous dire que dans un instant, donc on fera tout à l'heure, à la fin de l'émission, on se fait maquiller, on devient vieux et Kinvé et toute l'équipe, on se filmera un spécial. Commencerons-nous dans 50 ans. D'accord. Voilà. Qui sera la même émission, mais dans 50 ans. Voilà. Ah, on va être beau. Amandine pour Amir, ça va Amandine? Amandine pour Amir, tu me reçois, Amandine? Ça va. Vas-y, je te présente Amir, à toi, ma chérie. Comment bonsoir, tu vas, Amandine? Bonsoir. Très bien, merci. J'avais une question. Avant de te poser la question, je voulais te dire bravo pour ton disque d'or. C'est amplement mérité. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Il est où le disque d'or? Il est où le disque d'or, Amir? Ah. Tu n'as pas toujours autour du cou? Non. En mode bing, à la pimp. Je n'ai pas encore allé chez moi depuis hier soir. Ah ouais. Voilà. Mais il l'a déjà eu? Non, l'a déjà revendu sur le bon coin. En fait. Emmenez-le emballé. Je vais voir la tête que ça, un disque d'or, moi. Bah, il est emballé, tu vois pas. Mais on va se déballer. Faites voir. Toi, t'en as un disque de platine? J'en ai eu, oui. Bah oui. Mais là, faites-le, je t'enlève moi-même, j'aime bien, ça fait paquet cadeau, j'ai l'impression que c'est pour moi. Pète les bulles, il y a du papier bulle. Voilà, je peux péter les bulles. Oh, la chance. Le casse pas, hein. Il l'a gardé exprès toute la journée, c'est nickel, clair, dans l'emballage, et toi, tu vas lui défoncer. Tu devrais pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je te fais confiance. Hein? Oula. Allez-y, continuez, hein, moi je vais regarder. Amandine, je t'écoute. Fais gaffe, ça glisse. Oui, je vais aussi te souhaiter encore un joyeux anniversaire. Voilà, c'est trop gentil. On parle des deux plus beaux événements de ma semaine. Ouais. Et maintenant, à la question. Et je voulais savoir, du coup, si tu avais déjà commencé à chercher des idées pour ton prochain album. Absolument. Tu as déjà commencé à bosser dessus. Absolument, ouais. On a déjà écrit une chanson pour être précis dans les nombres et dans les chiffres. Mais il y en a des idées plein la tête. Et puis en juillet, je me prends 10 jours de travail avec mes équipes pour déjà commencer à écrire les titres du prochain album. La création m'a manqué. Donc voilà, ça revient vite. Même si le deuxième album n'est pas prévu de sortir immédiatement. Mais on s'en occupe. Je peux balancer un truc. On a vu un dossier. On a vu un putain de dossier. Il y a Kimbe qui était en train de te filmer. Genre, il y a un coup de coude à Julie pour dire qu'il était en train de te filmer. Julie a pensé qu'il était en train de faire un selfie. Et elle se met elle est en train de poser et tout. Et pendant ce temps-là, moi j'écoutais ce que disait Amir et pas vous du tout. Si ça vous dérange pas. Il était en pleine création. Julie, il a dit qu'il allait. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Eh ben voilà. Bravo. Excuse-moi Amir. Tu sais, c'est la différence entre aller. Moi j'écoute. Excuse-moi Amir. Elle était mal galère ou quoi? Sans déconner, mais pourquoi vous l'avez emballé comme ça, ce disque d'or? Mais pourquoi tu le déballes? C'est joli. Ouais, l'avion, enfin quand même. Oh. Pourquoi tu le déballes? C'est n'importe quoi dans l'avion, hein. Bah, je dirais pourquoi je le déballe en plus. Oui. Bah, emballe-le. Je suis con, c'est pas comme si c'était pour moi. Je suis en train de le déballer depuis 5 minutes. Bon, bah tiens. Ça sera plus facile après, je l'emmène chez moi, je l'accroche direct. Ah, il voulait pas l'abîmer. Allez, encore une couche. C'est pas moi qui l'ai emballé, on a demandé à l'hôtel de le faire. Putain, ils ont fait une faute sur le disque d'or. Oh, les cons. Ils ont mis 2 R à Amir. Voilà. Il est beau. Tu sais que ça m'est arrivé, moi, la faute d'orthographe sur le... C'est vrai? Non. Ah, sur le disque d'or? Ouais, c'était le disque de platine d'Ange ou Démon. C'était à Toy. Et ils ont mis pour plus de... Tu sais, c'était 100 000 exemplaires. Ouais. Et ben le plus, c'est PLU. Ça leur a plu. Ils t'offrent un truc avec une faute d'orthographe. Mais il est beau, regardez-moi il ça. Il est magnifique en plexi. Applaudissez-le dans le Maintenant que je l'ai ouvert, je te le rends. Il est pas lourd du tout en plus, mais une bonne fixation quand tu vas le mettre au mur. Hein. Je sais pas ce que t'as comme appartement, mais vérifie le placo avant. Et puis comme ça, officiellement, c'est toi qui lui as offert. Officiellement, c'est moi qui viens de lui remettre son disque d'or. C'est chez Koé, c'est bon. Ah, ouais, je suppose qu'Energie a quand même joué sur les. Oh non, tu sais, non. Non, ça doit être France Bleu Bourgogne. C'est les killers, les mecs, pour faire vendre des disques. Non, non. En fait, tu l'as ouvert juste pour faire chier, c'est ça l'idée? Mais non, pour lui offrir. Pour lui offrir un nouveau, enfin, Julie. Ça fait plaisir d'offrir un nouveau. Quelqu'un qui se prend deux disques d'or de soir d'affilée. Oui, c'est vrai. Pas mal, non? Très bien. Je suis ravie. Et toi, tu la vois. Toi, il est temps qu'on se termine parce que. Et prends un téléphone, continue de faire des selfies qui sont pas pour toi, vas-y. Oh, le boulet, alors, je te jure. Tiens, Manon. Le bon. Manon, question pour qui, Manon? Alors, salut tout le monde. C'est la question pour Kinvé. Allez, t'as fini ta clope. Et on va au match. Ouais, c'est bon. Ah, c'est le retour. Ouais, mais c'était long, hein. Ouais, c'est vrai que. Peux-tu nous rappeler depuis combien de temps tu es en ligne? Je sais pas, écoute, ça doit être depuis 8h30. C'est pas mal, il est 21h30, pas mal, c'est pas mal. Ça va. Allez, vas-y. Bon, alors, non, en fait, je voulais déjà te dire bravo pour la réédition. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de venir, là, j'y viens, je crois, le 15 et le 16 décembre, te voir, à Chambéry et à Genève. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et je voulais te poser une question. Je voulais savoir si le titre Celle qu'il te faut, c'était juste un clip. Un single radio ou si tu avais un clip en préparation? Alors, il n'y a pas de clip pour l'instant en préparation, mais on va y penser. Pour l'instant, c'était pas très prévu. Mais on va attendre que ce. On verra. Peut-être. En fait, je ne sais pas. D'accord, tu sais pas. Ouais, parce que quand je te la pose sur Twitter, je sais pas, tu l'évites. Tu vois, je dis ah. Sinon, tu remets le clip de la Bretagne et puis tu mets la chanson de l'autre par dessus. Ouais. Bah oui, bah oui, enfin, bien sûr, il a raison. Bah oui, t'en pas. Bon, on te fait un gros bisou, Manon, oui. Attends, Koé, j'ai juste une question pour toi de la part de ma fille. Donc, elle a 11 ans. Et en fait, elle me posait la question de savoir si tu avais l'intention de rebalancer le numéro de Kinvé ce soir. Non, mais il a changé depuis. Ah oui, il a changé. Heureusement. Il a changé, il a changé. Mais il doit toujours tourner sur Internet, hein, normalement. Oui, mais il a changé. Gros bisous, ma belle. Je t'embrasse, Manon. Allez, bisous tout le monde. Ciao. À bientôt. Direction le match de foot. Direction la Belgique. Direction le bar à Bruxelles. Pourquoi je peux pas parler à la demoiselle en ligne? Je viens de raccrocher. Oh. Super. Bravo. Ah, mais t'es fantastique, toi. Mais tu nous en fais des. Mais jusqu'en. Mais non, mais attends, elle a raccroché. Ah, bah oui, Loris. Ouais, ça mérite un canon. Ça mérite un canon. Donne-moi, ça mérite un canon dans la gueule. Allô. Tiens, viens là, toi. Non. Viens là. Mais comme bientôt, il va s'en servir, de toute façon. Attendez. Oula, ça part en vrille. Oh là là, ça se balance des rouleaux de papier. On sent que c'est les dernières émissions. Ça part en freestyle. Écoutez, ça doit être un peu bizarre. Et là, on se dit pourquoi il y a des rouleaux de papier toilette dans le studio. Le gros, je le garde pour moi après. Parce que allez, mademoiselle, est-ce que t'es en ligne? Est-ce que t'es en ligne dans le bar? Laquelle? Bah, toi, Laurane, est-ce que t'es en ligne? Oui. T'es prête? Oui. Alors, il y a l'écran géant. Oh, engueule-nous. Ouais, surtout qu'il faut faire vite parce qu'en plus, il y a la mi-temps dans pas longtemps. Merci, Julie. À 45. Justement, je suis sur la terrasse et je rate tout. Vas-y, tu rentres dedans, tu te débrouilles, tu passes devant l'écran, tu dis excusez-moi, est-ce que quelqu'un a vu? Est-ce que quelqu'un a vu mon chien? Tu trouves une solution, ce que tu veux. Non, je vais dire vive la Suède. C'est-à-dire que ici t'as un peu tendu. Mais t'es folle, toi. C'est pas mal. Bon, si on a plus de communication avec toi, c'est que tu es décédé. Ouais, hein, c'est ça. Allez, vas-y. J'aime Zlatan. Explique-nous quand tu es devant l'écran, hein, vas-y. Attends, je vais rentrer, mais c'est tendu, hein. C'est-à-dire que j'ai du mal à passer sur le. Ah, pour l'instant, ils sont très beaux et très calmes. Hein. Attention. Attends, là, je rentre dans le bas. Pas très bruyant. Je me dirige vers l'écran. Ils sont calmes, monsieur. Je me dirige vers l'écran. T'es sûr qu'il y a 0-0 en même temps. Et hurle, hein. Il y a 0-0, ouais. Ouais. Attends, là, j'y vais. Il y a personne, ma chérie, dans ton bar. Ah, si. Vive la Suède! Ta gueule est assez magique. Allez la Suède, vas-y, ça va les énerver, vas-y. Allez la Suède, vas-y, faut que tu y ailles. Allez quoi? Allez la Suède. Bah la Suède, oui. Ah ouais, non mais oui, mais attends, t'as une bonne mémoire toi, non? Allez la quoi? La su quoi? Allô? Oui, attends, il faut une action, merde. Mais il faut pas une action. Mais engueule-moi aussi, c'est pas ma faute. Bah oui, mais sans blague, tu ne fais pas rôter pendant 20 minutes. Ah, c'est ça, ma fête ce soir. Attends. Ce soir, c'est les auditeurs qui prennent le pouvoir. T'as vu comment c'est patient aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est vrai. Ça sent les vacances. Ouais, je suis très patient. Ok, les gars, la Suède va gagner, rentrez chez vous. Non, ça va. Rentrez chez vous. Pousse-toi, ah, mets-toi attends, devant l'écran et dis est-ce que quelqu'un a vu passer mon chien? Vas-y, faut que tu prennes du temps là devant l'écran. Est-ce que quelqu'un veut quoi? A vu passer mon chien, n'importe quoi. Dis-lui, ferme ta gueule à lui, vas-y, dis-lui. Ferme ta gueule. Ça va mal finir. Elle va se prendre une chope de bière dans la gueule, t'as l'air. C'est bien, t'es pour la paix des ménages, toi. Non, c'est pas de problème, j'aime les Suédois, je déteste la Belgique. Oh. J'emmerde la Belgique. Oh. Attention, parce que nous, on y va vendredi, puis on est numéro 1 le soir là-bas, donc il y a des limites quand même. On ne cautionne pas. Je suis détestée. Oui, d'accord, oui, mais on t'a pas demandé de dire ça non plus. Je fais du freestyle. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? Non, je dois rester devant l'écran. Mais vas-y, chante du Kinvé. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Non, je dois rester devant l'écran. Fais ce que tu... Non, je reste devant l'écran, je m'en fous. Changez de chaîne. Dis-leur qu'il y a... qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes. Plus belle la vie, ça marche partout. Est-ce qu'on peut regarder les feux de l'amour? C'est pas crédible, y'a pas les feux de l'amour à 21h30. Ah merde, non, y'a pas 21h30. Ok, mange prième. Y'a pas de vie sur TF1. Y'a pas Grey's Anatomy? Non. Grey's Anatomy. Oh, j'ai envie de la fermer à lui. Non, mais attends, sur des gentils parce que. Ouais. Ils sont extrêmement sympas. Ah, mais un truc de ouf. Non, je dégage pas, qu'est-ce que ça. Sauf si elle fait 12 mètres et qu'elle est championne du FC. Ouais, on l'a pas vu physiquement non plus. Hein. C'est lui qui est plus agressif que les mecs. La Belgique est méga nulle. C'est pourri. Un peu, ouais. T'es pourri, toi, ouais, un peu. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'avoir la rediff de Grey's Anatomy de Baravar ici? Fous la dans ton cul, la Mélanie Gray. Fous la dans ton cul. C'est les meufs qui prennent. Vous entendez, il y en a une qui est tendue. Là. Elle est tendue. Je te dis qu'elle est tendue. Ah putain, vous avez vu Dickeney. Mais oui. Claudie Faucon, responsable des abattoirs et de Saint-Hilaire. Claudie Faucon, des abattoirs de. Merde, Vanderlecht. Vanderlecht. Allez, je te fais un gros bisou. Hey. Attends, qui tu parles à ton téléphone, là, ça me bouffe bien, ça. Allô? Oui, je me suis pas agressé. Ah bon? Je me suis fait carjacker, les lunettes, elles sont restées dans la boîte à gants. Je me suis fait carjacker mon téléphone. Mais oui, je me suis fait carjacker. C'est magique, c'est belge. C'est waouh. C'est incroyable, hein. Bon, les gars. Ouais. Je suis détestée. Non, ça va, je reste, je m'en fous, ça va. Il va la mettre dehors. Ah, c'est beau, t'aurais dû refaire des phrases à la Dickenay comme mec qui est arrivé, t'aurais dû dire, tu manges seulement et que tu bouges ta bouche ouverte, là. On tire un lama. Arrête de cracher partout. Vous voyez ma main sur l'écran, là, ou pas? Tu la vois ou pas? Tu la vois ou pas? Elle continue. Tu la mets dans ta gueule. Ah bah voilà. Non, je bouge pas. Elle est bonne, non? Je m'en fous, non, je bouge pas. Ah, ça va partir en couille. Oui. Là, tu devrais bouger peut-être. Non, bouge pas. Là où ton doigt, tu devrais bouger. Mais non, je bouge pas, je m'en fous. Non, ça va partir en couille, je le sens. Je crois que la vie lui a l'en repu. Elle réfléchit pas au moment où on va raccrocher. Il y en a deux qui veulent me taper la gueule. Ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit de continuer. Donc là, tu donnes la chance, mais là, continue jusqu'au bout. Et demain, on lit dans le journal. Oui, c'est ça. Je te fais un gros bisou, mademoiselle. Applaudissez-la parce qu'elle a quand même une perte. Bravo. On va lui offrir un cadeau quand même. Ouais, on va lui offrir un cadeau. Je te fais un gros bisou. Dedans, je pense. Je sais pas qui est le trou du cul au téléphone, mais laisse-nous tranquille. On veut regarder le match. Mais qui êtes-vous, monsieur? Allô? Écoute-moi bien. Tu ne te permets pas, tu rends le téléphone. Hein. Allez, c'est bon. Tu rends le GSM à la dame, hein, tu le rends. Hein. Allô? Allô? Oui, je me suis fait carjacker. Je me suis fait téléphone jacker. Et t'as fait mal ou pas? Des gros malades mentaux. Parce qu'ils sont plusieurs, c'est donc des malades mentaux. Non, mais un malade mental. Eh ben, des malades mentaux. C'est ça. Oui, applaudissez-la, bravo mademoiselle, bravo. Chambre à sport. On va en Belgique vendredi et que la Belgique gagne quand même. On est à combien dans les 0-0. Ah, ils vont les Belges. Les Suisses sont pas mauvais aussi là en ce moment. Ouais, mais surtout les Belges, ils sont devant nous largement au classement. Ah, oh, mais ça va, c'est que le début. Dans euro. Non. C'est que le début, pas dans cet euro, pas dans là-dedans. Hein. Restez là, l'émission dans 20 minutes, on n'est plus là. Cosmic love gave you something gold. Comme des culs en hiver. Koé, 19h-22h sur Énergie. Oh, c'est vrai que dans les blocs comme des culs au soleil. C'est vrai, on en manque de soleil, ouais. Oh là là, vous avez vu ce temps pourri aujourd'hui? Il a encore plu. Il a fait beau une journée. Il pleut. Il a encore plu là. Ah ouais. Ils nous ont saoulés pendant une semaine en disant qu'il faisait beau et maintenant il pleut toutes les 5 minutes. Mais ils nous disent ça pour nous dire que pour qu'on aille un bon move. Mais on l'a pas, le bambou, on n'est pas bien. Regardez-moi ça, Amir qui dit rien, qu'on a sa 750e photo dédicacée. Il dit rien, il est dans son coin. Il est bon. Presque l'air, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Amir, pour de bon, raconte-moi un peu. Un été qui mêlera des événements musicaux intéressants. Mais ouais, tu vas faire quoi cet été, on va te voir. Je fais énormément de plateaux d'artistes, énormément, pas mal d'Énergie Music Tour, par exemple. Tu viens à Roubaix? Oui. Ah, je serai là. Ah, c'est moi qui présente à Roubaix. Génial. Ah, on va être bien dans le Nord. On va s'amuser, ouais. T'as déjà charté dans le Nord ou pas? Ouais, à plusieurs reprises. Ah, dans le Nord, du coup, ça. Ils sont chauds hein, là-bas, les gens. Bah, ils sont chauds, on a froid, mais on est chaud. Hein. Ouais. C'est sûr, du coup, ça. Je suis sûr que, avec la malédiction météorologique de Paris actuellement, même là-bas, il doit faire plus beau qu'ici. Oh, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Bon, en tout cas, on te fait un gros bisou. Je voudrais que le public ici vous applaudissiez très fort, celui qui était notre invité ce soir. Bravo! Bravo pour le disque d'or! Pourquoi tu ris, toi? Excuse-moi, parce pourquoi que t'as failli mettre mon meilleur. C'est pas j'ai failli, j'ai fait subtilement, hop, j'ai changé. Tu l'aurais pas remarqué, personne l'aurait entendu, j'étais fondu sur les applaudissements. Mon meilleur, you. Ah, ouais, tiens, je fais le méga mix. Amir, qui est avec nous, merci camarade, à bientôt. J'ai mis plein de snaps, hein, si vous voulez suivre cette soirée sur Snapchat, Koé Off. Vous me suivez également, j'en ai mis plein depuis tout à l'heure, ça a été vu je sais pas combien de dizaines de milliers de fois, donc suivez-moi, voilà, vous verrez, ça marche bien, tes snaps, t'en mets plein toi aussi? Moi j'en mets depuis quelques temps, c'est comme on a demandé, mais en fait c'est à la base je le mets en perso moi. Ah ouais? Non, mais c'est bien, j'aime bien. Attends, je fais une bise. Il y a trop de conneries que je peux pas mettre sur ça. Ah, très vite. Et bravo pour le disque d'or. Et le mets pas au mur, il est trop lourd, il va arracher le placo. Je te dis tout de suite, c'est les conseils, c'est mes tutos à moi. Tout à l'heure, il y aura le double hit pour savoir qui va aller faire un tour tout à l'heure au concert de son choix. Ça peut être par exemple aller faire un tour au concert de Justin Bieber. Ça peut être aller faire un tour au concert de Maître Gims, au concert de Rihanna. 6, 11, 12 par SMS en mettant Coé devant. Tiens, Manon, ça va Manon? Oui, Manon. Oui, je t'ai déjà eu tout à l'heure. Au revoir, Manon. Alors, très bien. Donc, ça serait bien de les enlever en plus. Mais qu'est-ce que tu fous encore Bérénice, au téléphone Bérénice, c'est ce que j'allais dire, pour accrocher pas, faut bosser, hein, par contre, n'hésite pas. Après, il sera trop tard. Clémence? Oui. T'es déjà passée aussi? Aussi, oui. Ah, ça va. Ça mérite un tribunal populaire, ça. Mais ouais, ah, oui, t'as raison. Désolé, oui. Allez, allez, ouais, ah, je sais pas si on aura le temps encore. Mais... elle est déjà passée, sérieux? Mais oui, elle est passée. Mais oui, elle est déjà passée, ça fait deux. Ilona? C'est déjà passé. Déjà passé ou pas? Tu joues pour la vie de... Ah, ça va, on t'écoute. J'avais une question pour Amir. Non, tu viens de partir. Quelle est la question? Alors, Kevin, déjà, je voulais te remercier pour tous les albums que tu nous as fait. Mais de rien, ça fait plaisir, écoute. Et donc, ma question, c'est... sur la chanson Sally, c'est une histoire personnelle où tes proches l'ont vécu, ou c'est une histoire comme ça? Pas du tout la question que j'ai écrite sur mon écran, mais bon, c'est bien, on est plus à ça près, de toute façon. Mais elle est bien cette question. Elle est bien, elle est bien, elle est bien, on y bah va. Bah oui, en fait, Sally, c'est... Non, c'est... je me suis dit, si j'étais en couple, en fait, c'est à peu près ce que vivrait la personne avec qui je vivrais. C'est d'accord. Vrai? D'accord. En fait, imagine, là, je me mets en couple. Mm-hmm. C'est-à-dire que la femme avec qui je vis... Mm-hmm. Hein? Avec qui je vis varié. Vis varié. Vivras. Nous vivarions. Ne me verrait jamais. Donc, si tu veux, elle pourrait se sentir délaissée et partir comme Sally. Oui. C'était ça le principe. T'avais pas une autre question? Non. Ah bah d'accord. Ok. Donc pourquoi pourquoi il y a écrit sur mon écran que la question était comment as-tu connu Glory? Ouais. Sinon, oui, il y avait celle-là aussi. Bah là, mais en fait, j'en étais deux. Non, t'en avais qu'une seule. Pourquoi as-tu connu Glory? Bon. Ou dans le hall. Je pensais que c'était une autre. Alors Glory, je l'ai dans le hall, n'importe quoi. Glory, en fait, c'est le morceau de celle qu'il te faut. Il avait fait une première version lui, parce que c'est Junior Caldera qui a fait l'instru. Il me l'avait envoyé et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Après, je l'ai rencontré, on a sympathisé, on s'est dit qu'on referait le morceau d'une autre manière. Bon ben voilà, c'est réglé. Au revoir, mademoiselle. D'accord. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Moi aussi, non, je l'ai dit le premier, ça compte pas, toi, tu l'as répété. À bientôt, gros bisous. Alors, on y va, on finit. Ah bah non, attends, bouge pas. Elisa? Oui. Ça va, Elisa? Oui. C'est une question pour qui? Pour Slimane. Pour? Pardon? C'est une question pour qui? Pour Amir. Oh merde. Hein? Qui est légèrement parti. Alors, Le gros. Le gros. Tu pétais le gros. Tu peux le prendre. Là, j'y vais. Là. Non, mais c'est pas. J'y vais. Non, mais ça ne s'utilise pas comme ça. Tu as écrit. Tu peux pas tout faire quoi? Tu peux pas éloigner les gosses. Les gosses. Tu peux pas tout faire ça quoi? Ça s'utilise pas comme ça, Coco. Non, c'est pas une batte de baseball. C'est vrai. C'est un canon à confetti. Je peux rester, Non, pousse-toi, toi. Si j'ai décidé de pas mettre de micro, c'est que j'ai une raison. Ça fait 30 ans que je fais de la radio, trou du cul. Tu me prends pour un con ou quoi? Si je mets la basse sans micro, c'est que je sais, j'ai pas de micro. Ça y est, il est en colère. Ah, quel blaireau alors. Un mec, c'est en studio au Col de France, ils ont fait deux trucs. Oui, salut, bienvenue à tous. Et il m'amène un micro, mais sérieux. Oh, il m'a produit à avec un fil aussi. Non, mais. Comment? Il va rendre service. Oui, je rends service. J'en merde, tiens, prends-moi service, prends-moi un café. Ça, tu me rendras service. Parce que là, c'est pas possible. Elisa, Amir n'est plus là. Mais bon, ça, j'avais compris. Eh ben, écoute, alors, pourquoi t'es là? Elle est encore là, Amir, ou pas? C'est du grand n'importe quoi, ce soir. Mais non, il est parti. Non, non, je vais essayer de voir s'il est là. S'il est là, j'essaie de sauver le truc. Il est en haut des escaliers. Pose ta question. C'est quoi ta question? En haut des escaliers. C'était pour savoir si les crochets est une bonne façon de percer dans le monde de la musique. Parce que j'ai envie de... Amir! Amir! Comment elle fait ça? Si un fait des crochets, c'est bien pour... C'est qui la pose cette question? C'est la jeune fille qui est au téléphone. Bon. Bah écoute, je pense que oui, on est en 2016. Aujourd'hui, c'est très répandu, ça aide. Il faut essayer de concurrencer Internet et la télé, c'est un bon moyen. Merci, voilà. Mon pote, tu peux nous recevoir ça. Merci, merci. T'as pas une autre question? C'est n'importe quoi là. Ça part en sucette, les gars là. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Attendez, je peux avoir un poster dédicacé, s'il vous plaît. Damir, je vais le chercher. Il en a fait plein, il en a fait plein. Ah bah, il en a fait plein. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Reste avec nous dans un instant. Fatou Matin, on se fait la fête et on finira avec Kinvé. T'es prêt?

Et ça me fait plaisir que tu aies été là, camarade. Bah, ça me fait toujours plaisir d'être là. Ça me fait plaisir. On a été bien là cet été. Tu vas pas arrêter de tourner. Il y a des dates. Hein. J'ai des dates pour aller le voir partout en France. Au mois d'octobre, on recommence à Rouen. Bah, à la maison, normal. Oui. À Amnéville, le Galaxy. C'est grand, non, le Galaxy d'Amnéville. Ouais, c'est là, on a fait toutes les premières parties, on a fait des entre 1500 et 2000 places. Ah ouais. Et là, on fait des 6000 de jauge maxi. Ah ouais. C'est les zéniths, quoi. Ouais, c'est bien, attends. Ah oui, c'est bien. Énorme, ouais. Ça sera bien. Ouais. Chalon en Champagne, au Capitole, Clermont-Ferrand, Boulazac, le fameux. À Niort, à la Clameur, à Paris, au Zénith, le retour le 23 octobre. Lyon, Mâcon, Saint-Étienne, Le Havre, Le Mans, Mouilleron le captif. Vous savez, c'est... c'est le vent d'espace. C'est, je connais celui-là, c'est un oui, truc. Bien, c'est une belle salle en Vendée. Mais c'est vrai que le village, Mouilleron le captif, ouais. Bon, ça fait pas rêver des masses. Calais, au Calypso, très belle salle. À Douai, Beauvais, Pau, Albi, Aurillac, Le Canet, Montluçon, Chambéry, Genève. L'aréna de Genève, c'est gros, hein. Ouais. Non, mais c'est costaud l'Arena de Genève, c'est la plus grosse salle, je crois. Ah bon? Ah oui? Non, mais. Oui, oui. Non, bien. C'est bien. D'accord. C'est ce que fait Johnny Hallyday, quoi, pour vous donner une idée. Ouais. Oui, non, c'est pas mal. Ah, c'est pas là où j'en fais le plus, la Suisse, hein, donc bon. Ouais, tu m'étonnes. Hein? Tu lui mets pas la pression. Là. Non, mais parce que c'est une vraie grosse salle, c'est-à-dire que. C'est quoi que t'appelles vraie grosse salle? Plus 6000? Ah, je crois, oui, l'Arena, c'est 10 000, là, non? Oh merde. Mais non, c'est très gros, je crois que. Ouais, non, mais ça va être modulable, c'est comme le Galaxy, non? Oui, enfin, ça peut être 7000 ou 8 personnes. Mais tu vois, les gens, ils chantent dans les loges. Alain Verbry tourne la scène. Et... Bon, en tout, et si on se faisait Fatoumata? Allez, tous ensemble, t'es prêt ou pas? Oh, wow. Allez, le public, on se fait ça, tout le monde debout, le public. Vous avez été assis toute l'émission, tout le monde debout, on se dégourdit les jambes, on se met bien, voilà. Une ambiance de on caresse les fesses de sa voisine. Comment? Tu peux pas, ils sont trop jeunes, tu peux plus, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe se fait maquiller. C'est bien, hein. Quoi? Moi je vois pas, mais Guéguette c'est pas mal. Mais ouais, Guéguette c'est vachement bien. Les Guéguette et tout, si, c'est bien. Ah ouais, au début ça faisait un peu zombilant, mais. Faut laisser le temps. Finalement, vous êtes prêts? Si tu réussis, c'est Julie quand même. Ouais. Julie, le maquillage, il a été extrêmement bien. Ah oui, forcément. Faites beaucoup de bruit pour mon Kinvé! Fatoumata! Ya ya Fatoumata. Oh merde. Fatoumata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la taper. Fatoumata, elle t'a maté. Fatoumata, elle t'a maté. Fatoumata, elle t'a maté. Toute la planète en a parlé. Cette nuit à l'hôtel, celle qui n'a pas pu résister. Je t'assure, elle a la nuit des journaux télévisés. Toi, tu passes pour un infidèle. C'est donc menottes au poignet que l'autre va faire du zèle. Ça aurait dû rester perso. Mais là, c'était le coup de trop. Tu leur fais peur. T'as peur, mon chéri? Attention. Le bon petit tête. Dès que t'attendais de la tâter, Fatoumata, t'as maté. Elle te dit qu'il risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté. Dès que t'attendais de la tâter, Fatoumata, t'as maté. C'est dégueulasse. Non, ne pleure pas, Fatoumata. Non, ne pleure pas, Fatoumata. Non, ne pleure pas, Fatoumata. Dégage, avec ta rame, connerie. Ne pleure pas, Fatoumata. Non, ne pleure pas, Fatoumata. Non, ne pleure pas, Fatoumata. Pendant que tu vois ta vie s'étaler. Que l'addition est salée. Ça fait super mal ta merde en plus. Je sais pas. T'es un connard. Fatoumata. Fatoumata, t'as raté. C'est que tu t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté. C'est que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté. Elle t'a maté. Tu m'as tué là, elle t'a maté, Fatoumata, elle t'a maté, toi tu m'as tué là, Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter, Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter, Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté, c'est pas dégueulasse encore, toi elle t'a maté, Fatoumata, elle t'a maté, t'as tenté de la tâter, Fatoumata. risque de te hanter. Va tout matin, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Va tout matin, elle t'a maté. Eh ben, je suis content que ce soit fini. Ah, Mocking Me. Ce qui s'est passé, c'est que Laurie s'est arrivée en Fatoumata et que, non, la veste est blanche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va lui faire un bisou. Ouais. Bah elle est plus blanche, elle était blanche. Non. Mais là, Loris, une veste, putain, tu l'as tué. Loris, une veste blanche. Qu'est-ce que tu comptes faire là ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais faire une connerie, toi. Pour toutes ces années radio passées ensemble. Fais très attention à toi. Allez, Loris. Il veut pas. Regarde la tête qu'il met. Allez, force. Eh, tu fais bien avec Kevin. Ah, il veut pas. Ce mec n'y arrivera pas. Je ne me ferai pas embrasser. Bon, allez, fais-toi un kiff, vas-y, allez. Ça t'a fait quoi de sentir la langue du chef? Bisous tout le monde, c'était Kinvey, passez une très bonne soirée. Voilà, c'est Guillaume, au revoir. Non. Ah non. Non, attendez, non. Non, oh merde. Pris le gagnant du double hit. Oui, ah, je suis en colère. Non. Comment ça va? On appelle la demoiselle. Ça fait très ça quand même. Ouais, ça fait très ça. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a fait un petit truc, c'est horrible. On appelle la gagnante, peut-être qu'il va aller au concert de son choix. Merci pour la petite lingette, vous êtes bien gentil, Guillaume. Allô? Vous voulez pas m'amener un micro? Allô, mademoiselle, quel est votre prénom? Ekaterina. Chichi. Bonjour, moi je m'appelle Koé, comment ça va? Ah. Je dois dire que dans la série, je sais faire plaisir. Je sais faire plaisir. Bérénice, je crois que tu m'as pris la gagnante, la nana qui a le moins envie de gagner au monde. C'est cohérent. Termine la saison en beauté, Bérénice. Ah, c'est un festival ce soir. Non, Bérénice, je ne sais pas ce que tu as ce soir. Tu as signé ailleurs à la rentrée? Non, mais tu as signé ailleurs? Vaut mieux. Allô? Non, mais réponds. Non. Moi, tu devrais. Allô? Allô? Quel est le prénom? Ekaterina. Pourquoi tu as raccroché quand j'ai dit c'est Koé? J'ai pas fait exprès. Ah bah l'émotion, c'est ta joue qui a écrasé le téléphone. Si je te dis qu'on t'a sélectionné pour le double hit. Je m'en fous, je voulais parler à Amir. Si je te dis qu'on t'a sélectionné pour le double hit, heureuse ou pas? Oh, trop, oh là là. Oh là là. Où est-ce que tu habites? Oh là là. Oh, trop, oh là là. On dirait Siri tellement elle est contente. Tu es contente? Oh oui, oh là là. Tu habites où? À Néron. À côté. Dans l'Ain. À Néron, il y a un bled qui s'appelle Néron dans l'Ain. À côté de Nécaré. C'est à côté de lui. Pardon. Waouh, ça fait rire. Ça fait rire. Je suis... Si tu aimerais aller, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Avoir l'électricité. Comment? Avoir internet et l'électricité, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Allez voir Justin Bieber. Oui. Eh ben ma chérie, ça me fait plaisir. Tu es la gagnante ce soir du double hit. Tu auras plein de surprises jusqu'à la fin de la semaine. Tu vas aller voir Justin Bieber. Merci. Transport, hébergement, tout. Je te fais un gros bisou et ne raccroche surtout plus, d'accord? Merci beaucoup, Koué. Merci. On prend toutes tes coordonnées, je t'embrasse. Et cette fois-ci, pour de bon, bonne nuit, on vous laisse avec Guillaume demain. Ouais, salut, Koué revient demain, dès 19h, sur Énergie. Tous les soirs, 22h-1h sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, lourde l'émission, frère. Allez, c'est parti, on y va. On y va, 22h05, hein, Guillaume Radio 2.0. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les potos, là, comme d'habitude, hein, le soir, avant d'attaquer le brevet, pour ceux qui sont au troisième cette année, là, avant de commencer le brevet demain. Bon courage à tout le monde, pour ceux qui ont commencé le bac aussi, ceux qui bossent soir. Merci d'être avec nous, les gars. Il est 22h05, on est en direct avec du foot ce soir, j'ai une stagiaire. Ouais, Guillaume, il y a Belgique-Suède, là, c'est la mi-temps 0-0. Voilà, on suit le match du Diable Rouge. À l'Euro, ouais, à Nice, il joue. Allez, la Belgique ce soir. Ouais. Alors, on suit le match. Bonsoir, JM du Standard. Salut, Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir, Amina du Standard. Salut, Guillaume, salut tout le monde. Ouais, joli, dis donc, Amina du Standard. Ah, merci, Sacha. Non, mais hier, t'as dit toi-même que c'était un chantier. Ah oui, non, c'était une catastrophe. Ah, bah voilà, tu vois. Ah oui, je sais. Et moi je dis la vérité, c'est tout. Hein. Quand c'est beau, quand c'est pas beau, je le dis aussi. Voilà. Ah, on est franc. Ah bon, ça va Flo des cadeaux là. Salut Guillaume, salut tout le monde. En plus souvent j'ai. Ouais. On a plus des remarques sur les vêtements de Flo des cadeaux que c'est d'Amina. Bah, ouais. Mais quoi que vous rivalisez tous les deux en ce moment. Ah ouais. Il y a un battle. Et j'ai l'impression que Flo des cadeaux est en train de mieux s'habiller par rapport à Amina du standard. Bah, ouais, ça me fait plaisir. Soir, il est en train de devenir merci propre. Flo des cadeaux qui fait attention à son style, ça me fait plaisir aussi. Hein. Bon, si vous voulez venir en tout cas en direct avec nous, Guillaume et votre message là au 6-11-12, vous êtes les bienvenus les gars. 6-11-12, c'est le numéro auquel faut envoyer les SMS. Comme tous les soirs. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré kaki. Et hâte de vous voir à Bastia samedi là pour le Energy Corsica Party, le gros concert. Vous êtes 25 000 au concert. Il y aura Ritza, il y aura Chris Cab, il y aura Vita, il y aura Gian Peretta, il y aura Boosty. Voilà, il y aura plein de trucs. Ce sera samedi soir à la place Saint-Nicolas. Voilà, Bastia, gros concert. Si vous voulez venir, on va bien rigoler, on a prévu plein de trucs. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir délire avec nous samedi soir. Donc c'est vers les coups de 21h, je crois. C'est à partir d'eux, mais bon. Vers. Apparemment, c'est parfois 21h15, ouais, voilà. Mais ça, enfin, il vaut mieux être là à 21h, comme ça vous serez bien placé, quoi. On se fera à Gims après, là. Bon courage à ceux qui travaillent de nuit, hein. Je vous embrasse, les mecs. Bon courage à tous. On a toujours les cadeaux à vous filer. Il y a toujours des télés, des enceintes Bluetooth, des tablettes Arcos aussi. Et comme tous les mercredis, on fera le jeu de l'une d'entre vous vient piéger son mec en libre sans croire qu'elle veut faire un plan à 3. Ça s'appelle le jeu du threesome, le jeu du plan à 3. On le fait tout à l'heure sur Energy. On a bien rigolé. Ah ouais. Allez vous inscrire, vous êtes les bienvenus aussi. Guillaume et votre message, hein, aussi 11-12. Allez, la meilleure émission du monde commence. Salut l'anonymous du 7-6. Bisous. Bisous, transport Rosette. Le chevelu ressemble à un coquin de la part du touriste. Voilà. C'est un régal de vous retrouver. Je veux commencer des séries. Tu me conseilles laquelle? Le Bureau des légendes sur Canal+. Ouais. William qui vous a contacté pour les défis sur 7509. J'ai pas compris, gros. Dédicace à mon frère avec qui je remonte dans le Nord, au chauffeur JLF. Salut à Teddy du 59 et Gims après. Demain brevet au collège Eugène. Ah ouais. Gros stress, dédicace à 3ème C, Mathieu Herry. Bon courage. Bon courage les mecs là pour le brevet là. C'est demain matin. Voilà, demain c'est mon premier brevet aussi, j'ai réalisé 2 heures et je pars avec mon crayon à papier et une gomme. C'est l'aventure. Et bah bon courage à toi. Hein. Demain brevet, dédicace au collège Max Hutin. J'espère que tu finiras à 1h05, t'as commencé à 22h05. Salut. T'inquiète. Attends, c'est normal, c'est de la radio, c'est vivant, c'est en direct. On n'est pas des robots, on fait l'émission. Comme on veut. Voilà, ça nous arrive de rendre plus tard aussi. C'est normal. Hein. Je suis en vacances, dis à Amina que je peux ce soir. Signé Paul. Ah, bisous Paul. Alors, c'est pour passer à la radio, hein, pas pour aller. ça fait un peu. Dès que je passe ça, ok, c'est bon, c'est noté. C'est bon, c'est la passe de 1h05. Grave. Voilà, c'est ce que je dis, hein, c'était pas pour une passe, hein, justement. Ah oui. C'est quand vous venez à la FNAC de Reims, on est venu l'année dernière. Ah oui. Ouais, il y a un an. Ouais. C'est trop bien d'ailleurs, juste en face, sur la place d'Arlon. On va revenir avec plaisir, les gars, Léa et moi. Là. Salut toute l'équipe, je passe le brevet demain, j'ai la flemme aussi, aidez-moi, bisous à l'équipe, salut les gars. Ouais. Faites des petites dédicaces, on les lit à l'antenne. Hein. Voilà, Guillaume au début du texto. Même si vous envoyez au bon numéro, faut bien taper Guillaume au début pour qu'il arrive ici. Guillaume et votre message aussi, son dose. Je vous écoute depuis la fan zone de Paris, vous déchirez comme tous les soirs. Bonsoir, Edouard du 27. Ah, hein, bon salut. Match, mec. Ouais. Attends, mais donc, ce soir, il y a la Belgique qui joue contre la Suède. La Suède, Nice, et aussi Italie. Irlande. Et bah très bien. On va direct. Et donc il y a Zlatan qui joue contre la Belgique. Qui ouais. A pas fait grand chose à l'Euro. Ouais, il est un peu absent. Ronaldo là. Aussi. Hein. Ah bah si, Ronaldo aujourd'hui. Ouais. Il a marqué 2 buts aujourd'hui. Ah. Ils ont fait 3-3 contre la Hongrie. Est-ce qu'il est dit que Chafouin, il a pris un micro d'un. Ouais. C'est un peu un alors il y a un débat parce qu'est-ce que ça se fait. Est-ce que ça se fait pas. Ah, ouais, mais bon. Ouais, j'aime du standard, vas-y. Il n'y a pas d'explication pour jeter un micro. C'est un manque de respect pour le mec qui interview. Ouais, mais attends. En fait, c'est le problème. Ouais, je vous explique, il y a Cristiano Ronaldo, un joueur. Du Portugal, mais qui joue aussi en Espagne. En Real, ouais. En train de se promener au bord d'un lac. Enfin, c'était une promenade de joueurs. Hein, ouais, c'était toute l'équipe. Et il y avait tous les journalistes. Ouais, à Lyon, il y en a un qui s'est approché, qui lui a dit une question. Comment ça va, tu sens? Comment non, tu sens non. Il a dit comment tu sens les matchs précédents? Ouais. Comment t'as senti? Comment t'as vécu? Ouais. Les deux matchs précédents alors qu'il a fait que de la merde. Et en plus c'est un Portugais mec, donc il comprenait. Et donc bah oui c'est le but. Et, ouais, donc, bon. Et donc il a attrapé le micro, Jim Sonnard, il a jeté dans le lac. Il s'en bat les couilles. Voilà. Pas très sympa. Il y a une explication, c'est que le journaliste en question et le magazine pour qui il posait la question, ils avaient mal parlé de Ronaldo, ils avaient insulté sa famille, je crois, sa mère et son fils. Ah, c'est ah pour ouais. ça qu'en fait, c'est pas qui le journaliste en fait. Le journaliste ou le magazine en fait, je sais pas, c'était la chaîne ou le journaliste en lui-même, mais le mec qui est venu poser la question, il savait qu'en fait, voilà, c'était pas bien. Ronaldo, ah, il s'est vengé quoi. Ouais, il s'est vengé. Ouais. Avec moyen, l'image. Avec la fluidité légendaire de il lui avait mal parlé avant, donc voilà. Ouais, donc en fait, il s'est un peu vengé. Il a reconnu, je crois. Après, c'est pas une raison. Ah, le mec, il s'est moi, qui, attends, oui, moi, il y en a qui parle oui, de moi mal, ouais, je peux lui avoir. Tu l'oublies pas. Bah, ouais. Après, Ronaldo, tu vois, c'est une star. Il la retourne, la retourne. Mais c'est une star, il est hyper connu et il est filmé, il savait que ça allait être filmé le truc. Oui, bah, au bout d'un moment, c'est bien grave. Et l'autre, il a critiqué sa mère. Moi, il y en a qui critiquent ma mère, un journaliste qui vient dans quelques mois me reposer une question. Ouais, c'est pas faux. C'est normal. Ça l'a pas empêché de marquer deux buts. Je sais pas ce qu'il a dit après. Au contraire, j'étais même en train de dire que ça se faisait pas. Mais bon, après, il y a des trucs à pas faire. Flo, des cadeaux. C'est comme le coup de boule de Zidane à la finale de la Coupe du Monde. Ouais, non, mais ça, c'est différent encore. Non, moi j'attends la fin du match. Ouais. Si vraiment j'ai. Attends, c'est Coupe du Monde. Tu sais qu'il y a toute la France, tous les jeunes qui te regardent. Ah ouais, ouais. Tu mets pas un coup de boule. Bah, t'es un peu un exemple hein, quand t'es comme ça. Non, je trouve que Zidane il a déconné, mais enfin bon, c'est pas parce qu'il est très bien et que j'aime beaucoup ce joueur qu'il a déconné une fois dans sa vie. Du coup, ils avaient perdu là-bas. Il a déconné une fois, ouais. Je viens d'avoir les fesses qui collent avec cette chaleur ghost. Ah, j'ai pris une douche. J'ai le brevet, j'en ai rien à foutre. J'ai raison, salut man. Non, bah non, il faut l'avoir au moins. C'est important quand même d'avoir les diplômes, les diens. La meilleure équipe est en foi. Bonsoir Thomas du 27 de l'heure. C'est gentil, mon poteau. J'ai 14 ans, je kiffe une fille. C'était réciproque. Hier soir, j'ai appris qu'elle avait un mec. Elle me parle plus. Que dois-je faire? Alors, attends, c'est un peu compliqué l'histoire, mais en général, les relations hommes-femmes sont compliquées. Voilà. Bonne t'es chance, le meilleur, cheveux verts. Salut à toi. Salut. Demain, impossible d'aller au brevet. Je t'embrasse en tout cas, cheveux verts. Je suis hospitalisé. Gros bisous à vous, les chéris qui sont hospitalisés. Bon courage. On vous embrasse bien fort. Soyez hospitalisés ce soir. On fait un gros bisou et passez à la radio si vous voulez, quand vous voulez avec nous. Merci pour la pensée au troisième. Édicace au troisième 3 du collège Paul Langevin. Big up, big up, big up. À 3 dans l'Aube. Ouais, dans le 10. Salut mon Anthony, à tous les salariés de nuit de Otis. Salut Jayan. Bisous. Salut Jayan, c'est les ascenseurs Otis. Ouais. Et alors il y a Charles qui vient d'appeler. On va retrouver Charles et Lou. Bonsoir d'abord Charles qui vient d'appeler en premier. Ouais, c'est qui le papa? Ça va ou quoi? Vous allez bien? C'est qui le papa? On va parler. Oh putain, t'as fait un truc de ouf toi, on va en parler. Et attends, et juste en deux minutes, il y avait Lou là, qui passait le brevet demain, qui voulait juste faire un bisou en 30 secondes. Tu m'entends Lou au standard ou pas? C'est-il papa? Ça va, madame? C'est qui le caca? Vous allez bien? Dans le job, ça pue plus en panne. Comment ça va, Malou? Ça va, mais demain j'ai le brevet. Ah ouais. Bah ça va passer, t'inquiète pas. Ah là là, Lou qui a le brevet demain à 8h, c'est ça non demain là. C'est français non ouais, demain. Ouais, à 8h20. Ouais, c'est français, entre 9h et midi pour la super le français gens, le matin. Français et maths l'après-midi ouais. Ah, et le vendredi vous avez histoire géo et ouais, le matin. Et EMC. EMC pour certains exactement. C'est enseignement moral et physique, ça dépend des gens. Bon d'accord. En tout cas, bon courage, il y a plusieurs types de il y a des classes spécialisées et tout aussi. Et bon courage à tous les mecs qui sont en 3e en tout cas, petite dédicace. On pense à vous très fort, c'est le premier examen. Ouais, premier examen, c'est quelque chose dans la vie. On se rappelle plus, mais c'est. Ouais. Enfin, moi, je me rappelle même plus du brevet. Si. J'ai zéro souvenir du brevet. Ah, j'ai zéro, je ne sais même plus, j'ai plus aucune image. Ouais, pareil. Je sais que je l'ai eu, mais je ne sais même plus où c'était. La note, c'était, par exemple, la note, je ne sais pas. Je me rappelle plus de rien, je ne sais même plus les questions. Je me rappelle même plus si j'ai fait dans un autre bahut ou si j'ai changé de bahut. Ah non, c'est le même, ouais. Je me rappelle plus vraiment, en vrai. Bon, en tout cas, Lou, tu voulais passer pour raconter un truc, ma chérie? Ouais. Eh ben, en fait, en gros, ouais. J'ai fait une vidéo pour ouais. toi. Ouais. En fait, en gros, j'ai demandé à plein de gens de faire une vidéo en train de dire c'est qui le papa. Et j'ai fait un montage de la vidéo et j'ai mis sur YouTube. Et du coup, je voulais te le dire parce que je pensais que ça allait te faire plaisir. Eh ben, c'est très gentil. Je l'ai vu tout à l'heure. Merci. Ouais. Et ça m'a fait très plaisir. Je sais pas si c'était toi. Voilà, il y a eu plein d'entre vous qui ont fait des petits. Ils sont filmés en faisant. C'est qui le papa? Il y a même Skrillex, le chanteur, ouais. Enfin, le DJ, là. Qui, ça, c'est marrant. Et il y a même JM et Amina dans la vidéo quand j'étais venue visiter les studios, je les avais filmés. Ah.